Alors bienvenue à toutes et à toutes pour ce 11e épisode de Knack en Vrac. Alors Knack en Vrac, c'est moi et je pars à la découverte de tous les sujets intéressants en lien avec l'Alsace et ses habitants. Alors aujourd'hui, je me suis entouré de la fine fleur du houblon pour découvrir le monde de la bière. Mais pas de n'importe quelle tisane à l'extrait de houblon. Non, on va parler de la véritable bière artisanale à base de passion et de produits locaux. Pour cet épisode, direction le Haut-Rhin, à Steinbach, pour rencontrer l'artisan brasseur de la brasserie du Vallon, chers auditeurs, je te présente Quentin. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Enchanté. Alors, comment vas-tu tout simplement? Un peu formidable, hein, écoute. Matinée tranquille d'automne, rien à redire pour l'instant. Alors, dis-moi un peu d'où tu viens et dans quel cadre as-tu grandi? Et comment un peu es-tu arrivé dans le domaine de la brasserie artisanale? Alors, dans quel cadre j'ai grandi? Bah, dans cette maison déjà, premièrement. Donc, ma brasserie est actuellement installée dans la cave de la maison familiale à Steinbach. Dans une petite rue tranquille, voilà, bon, bah, mon père, ancien chef mécano, et ma mère, pareil, dans des garages Renault aussi toujours, donc des parents plutôt, voilà, classe moyenne, tranquille, ni bureaucrate, ni artisan, ni paysan, donc j'ai découvert le brassage par la suite, ensuite, moi-même, par curiosité. D'accord. Et comment est-ce que tu as suivi une formation particulière? Parce que voilà, tu as 23 ans, ça m'a impressionné déjà. Parce que je me suis dit, ah, une personne de 23 ans qui se lance dans l'aventure, déjà c'est intéressant. Alors c'est vrai que c'est pas commun, bah d'ailleurs j'étais au Strasbeer Fest, c'était quoi, la semaine dernière, j'étais le benjamin de l'événement, le brasseur le plus jeune. Ensuite pour ce qui est de la formation, moi je me suis formé moi-même, principalement sur internet, mais j'ai aussi lu énormément de bouquins, principalement en anglais parce que c'est là que sont les meilleurs, tous les textes un petit peu, enfin vraiment scientifiques, pointus, c'est de l'anglais. Enfin il y a de l'allemand aussi, mais faut pouvoir quoi, les termes techniques en allemand, faut se lever tôt le matin. Ouais. Ouais, surtout c'est que c'est des mots assez longs et c'est assez galère à traduire, quoi. C'est l'enfer. Alors, est-ce que tu as des livres particulièrement qui t'ont vraiment influencé? Alors, maintenant je me souviens que j'ai fait un article à ce sujet sur mon blog il y a un certain temps, lesquels j'avais mis. Je me souviens que j'avais adoré un livre qui s'appelle American Sour Beer, donc bière acide américaine, hein, traduit. Du coup, ouais, c'est sur les bières sauvages. Et j'ai fait justement, bah, ça tombe bien qu'on en parle maintenant, parce que j'ai fait ma première bière sauvage, entre guillemets, acide, pour le Strasbeer Fest la semaine dernière. Donc c'était une bière acide au vin nouveau. C'est-à-dire que c'est les ferments naturels du vin nouveau qui ont fait fermenter la bière. Normalement, on ajoute des levures qui sont de la même famille que les levures de boulanger. Donc ça fait une bière, bah, voilà, alcoolisée, mais pas acide. Et avec des saveurs plutôt faciles à maîtriser, on va dire. Enfin, facile, tout est relatif, mais bref. On maîtrise en tout cas. Alors qu'avec les bières sauvages, j'ai ajouté mon vin nouveau dedans. Une vingtaine de pourcents, et j'ai laissé fermenter naturellement, j'avais pas trop de maîtrise sur ce qui se passait. Donc c'était un peu plus expérimental, et fallait accepter la potentielle variabilité, quoi. Je sais pas dans quelle direction ça allait s'orienter. Alors du coup, le vin nouveau, j'explique juste ce que c'est. Donc en fait, c'est du raisin pressé et on le laisse fermenter juste quelques jours. Et ensuite, on a déjà le vin nouveau que nous, Alsaciens, on peut consommer quand on est sur place. Mais c'est un vin qui est vraiment à consommer tout de suite. Ouais, c'est même pas dans les 2-3 heures qu'il faut boire. Ensuite, la fermentation continue. Et un peu, si par exemple on en boit à midi, on en boit le soir. C'est pas Et le en même. fait, c'est pas le même. Ouais, tout à fait d'accord. Bah là, moi, je suis allé le chercher dans une petite cave à Wunheim, donc pas loin de chez moi. J'ai fait différentes caves, j'ai goûté différents vins, et celui-là m'a vraiment plu parce que c'était du pinot noir. C'est-à-dire que c'est le seul vin nouveau rouge, entre guillemets. Enfin, il avait plutôt une couleur rosée parce qu'il n'avait pas macéré avec la peau du raisin rouge, mais bref, le fait est qu'il était vraiment, vraiment très bon. Et du coup, j'en ai pris toute une cuve complète et que j'ai balancé dans ma bière et je l'ai laissé naturellement. Donc, vin pinot noir dans une bière blonde. D'accord, bah c'était déjà assez osé parce que vu que le produit varie, enfin change vraiment, et en plus niveau fermentation, le vin nouveau, ça bulle, quoi. Ouais, bah là c'était vraiment un gros pari et finalement ça s'est bien passé. Alors j'ai quand même pris des précautions, on va dire. La fermentation, je l'ai exprès maîtrisée à 45 degrés. J'ai fait en sorte que ça reste chaud pour inhiber certains micro-organismes, en favoriser d'autres. Je voulais principalement qu'il y ait ce qu'on appelle les lactobacilles. C'est des bactéries responsables, enfin principalement utilisées pour le fromage en général. Et maintenant on en utilise de plus en plus dans la bière pour faire des bières acides. Aux États-Unis, c'est un phénomène assez à la mode en ce moment, des bières au lacto, ils appellent ça. C'est là où ils rajoutent, enfin dans les recettes, ils appellent ça, ouais, on a rajouté du yaourt, hein, c'est ça? Alors non, même pas forcément. Ça, ce serait plutôt celle où ils rajoutent du lactose, mais pas des lactobacilles. Il y a une petite nuance là-dessus. Quand ils rajoutent du lactose, c'est pour faire une bière, genre des cream stout, des milkshake IPA, ils appellent ça. Enfin, je trouve ça assez marrant les noms qu'ils trouvent. Mais non, ajouter du lactose, c'est pour ajouter de la douceur, de la rondeur en bouche, du sucre en fait. Par contre, quand tu fais fermenter avec des lactobacilles, là, ça devient vraiment très très acide. Donc c'est ça qui était intéressant. Donc c'est ça que j'ai cherché sur cette bière. Et finalement, effectivement, j'ai trouvé un résultat quand même bien bien costaud, quoi. Ça a surpris un paquet de gens au Strasbourg Fest. C'était soit, de toute façon, c'était simple, soit la grimace, soit le coup de cœur. Il y a des gens qui m'ont acheté des pintes, ils étaient très contents, ils sont revenus deux trois fois même, ça m'a surpris. Alors qu'il y a des gens, tu trempais les lèvres, ils disaient, oh là, c'est pas pour moi. Et en plus, c'était quand même un pari osé parce que donc t'as pas non plus une capacité de fabrication énorme. Donc c'était ben soit c'était bon, soit c'était t'avais pas grand-chose à proposer quoi. Et même niveau timing, c'était super serré parce que j'ai juste réussi à la mettre en fût 4 ou 5 jours avant l'événement. La fermentation s'est juste passée, mais alors niveau timing comme il fallait, j'ai eu le temps de la clarifier à froid juste comme il fallait, mais enfin vraiment à un jour près, ça passait quoi. J'étais vraiment. Ah, si elle était pas bonne, bah, j'avais une bière de moins pour le Strasbourg Fest, quoi. Ce qui aurait été dommage. Alors, avant de se lancer dans les bières sauvages, hein, Oui. comment est-ce que t'as commencé ton premier brassin, par exemple? Le fameux. Alors celui-là, c'est mon premier brassin, c'était vraiment, bon, faut le dire, n'importe quoi. Moi, je rigole maintenant à chaque fois que j'y repense. C'était le brassin du ghetto, quoi. J'ai fait ça. Mais je pense qu'est-ce qu'il faut, il faut, il en faut, hein. Oui, oh, il en faut, hein. Il en faut même plusieurs, hein, faut pas se mentir. Mais le premier était vraiment extrême à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a fait ça, enfin j'ai fait ça dans mon appartement étudiant à Sévenan, près de Belfort, pour ceux qui connaissent pas. J'étais en prépa, donc j'avais vraiment un tout petit appart étudiant, quelque chose de 12-13 mètres carrés, quoi, avec une petite plaque électrique bien pourrie, aucun équipement, enfin bref. J'avais réussi à mettre quelques euros de côté pour m'acheter des ingrédients sur Internet, sur un site bien connu de l'époque, que je ne citerai pas. Et oui, on avait préparé les ingrédients avec un ami, on avait broyé les céréales avec des haltères, des Décathlon, donc vraiment contre un chiffon, et puis voilà, la méthode pilon à l'ancienne, quoi. J'avais fait infuser ça n'importe comment, à une température pas du tout maîtrisée sur mes plaques, parce que j'avais pas de thermomètre, alors que normalement, c'est la première variable que tu contrôles en brassage, c'est la température. Il faut vraiment que ce soit maîtrisé au degré près, tout le temps, à chaque étape. Moi, je faisais vraiment bah, au doigt mouillé, je trempais le doigt dedans, est-ce que ça fait mal? Ok, bon, c'est à peu près 70 degrés. Enfin, c'était vraiment ça. Et finalement, j'ai réussi à filtrer dans une passoire en plastique qui n'était pas assez grosse pour contenir tout le malt. Donc, j'ai dû la rehausser avec du papier aluminium. Enfin, écoute, à chaque étape, c'était vraiment. Et ça a fini par fermenter tranquillement dans un saladier. Au pied de mon lit, et puis alors pendant des heures, je regardais les petites bulles monter à la surface, et puis là, ça changeait de couleur. Il y avait une couche de dépôt qui se déposait au fond. Alors d'abord, un dépôt, c'était des morceaux de farine de malt. Ensuite, il y a un dépôt de levure. Enfin, c'était vraiment. Ça évoluait de jour en jour, et puis c'était vraiment passionnant à regarder. Et puis c'est là vraiment que j'ai pris le virus du brassage, quoi. Puis après, je les ai enchaînés, évidemment, de plus en plus sérieusement, on va dire. Acheter un petit peu de matos, une casserole un peu plus sérieuse, enfin bref, tout ce qu'il faut. Jusqu'à arriver aujourd'hui, là. Où j'en suis, et puis j'espère bientôt passer à l'étape suivante. Oui. Et est-ce que tu as donc tu as donc tu brasses dans ta brasserie, mais est-ce que tu as déjà brassé dans une autre brasserie, bah, tout simplement, voilà, une brasserie qui cherchait un brasseur et que pour dépanner ou quoi que ce soit? Alors oui, effectivement, même plus que ça, en fait, étant donné que j'ai fait des études d'ingénieur, mon projet de fin d'études, ça a été la conception et la mise en place d'une micro-brasserie artisanale à Mulhouse. J'ai quand même eu de la chance de pouvoir faire ça comme projet de fin d'études. Normalement, on bosse dans l'industrie sur une ligne, je sais pas, industrie automobile ou quoi. Enfin, ça me plaisait pas du tout. J'ai réussi à trouver un stage dans le monde brassicole. Donc là, j'ai eu une chance inouïe. Et il s'agit de la micro-brasserie des Halles à Mulhouse. Donc c'est une petite brasserie aussi, hein. Il y a un local de 36 mètres carrés. Il y a quelques cuves de 500 litres. Alors bon, ça commence à être décent, hein. Une cuve de 500 litres, faut déjà y aller pour la boire, hein. Mais voilà. Donc j'ai conçu cette brasserie et maintenant, c'est moi qui brasse pour eux. Parce qu'ils brassent une fois toutes les 2 semaines, donc ils n'ont pas besoin d'un brasseur à temps plein, quoi. Donc je vais une fois de temps en temps faire une prestation. Bah, d'ailleurs, lundi, j'y retourne pour faire une bière blonde. D'accord. Et ça se passe comment en fait le brassage, une journée de brassage en fait? Alors, journée de brassage, je commence déjà par la préparation. Donc on rince tout le matos, évidemment, il faut que tout soit propre. Puis ensuite, il faut mettre l'eau à chauffer. Parce que c'est quand même ce qui est long pour faire chauffer. Bah maintenant, pour l'exemple de Mulhouse, 500 litres d'eau, t'imagines un petit peu l'inertie du truc, ça met 1 heure et demie, 2 heures à chauffer. Donc voilà, tranquillement tu lances la chauffe. Et puis pendant ce temps, bah, tu vas peser tes céréales. Tu modifies un peu ta recette éventuellement s'il y a des ajustements à faire. Tu pèses le malt, tu pèses le houblon, tu concasses le malt. Donc, maintenant qu'on a un bon moulin, ça va mieux. Mais à l'époque, avec un petit moulin tout pourri, ça prenait aussi un certain temps. Enfin bref, et du coup, une fois que les ingrédients sont prêts, tu commences à brasser. Tu mets les céréales à infuser dans l'eau chaude. Tranquillement, ils se transforment naturellement en sucre. En fait, il y a des enzymes qui agissent, qui vont découper l'amidon du céréale en sucre, et c'est là que la couleur apparaît. Dans un second temps, ben, tu filtres, parce que bon, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de morceaux de céréales dans ton verre de bière, donc il y a un moment donné où on les retire. Donc voilà, on retire ces morceaux de céréales, et puis on obtient un jus sucré, cette infusion de malt qu'on appelle le mou. Une fois que tu as ce mou, qui a déjà la couleur de la bière, et ben là tu le fais bouillir, tu ajoutes le houblon à différents moments. Alors si tu veux plus d'amertume, tu le fais bouillir pendant une heure par exemple. Là le houblon va infuser beaucoup d'amertume, mais perdre énormément de ses saveurs. C'est-à-dire qu'elles vont s'évaporer en fait. Les huiles essentielles s'évaporent pendant l'ébullition. Donc tu ajoutes une dose pendant longtemps pour donner vraiment efficacement l'amertume, et puis après une dose plutôt vers la fin. Ça c'est ce qui devient à la mode en ce moment, mettre plus en plus de houblon à la fin. Et les IPA et toutes ces bières vraiment très centrées sur le houblon, avec une mode issue des États-Unis. Et bien tout ça, on a beaucoup beaucoup de houblon aromatique à la fin, et même après on refroidit la bière à la fin de l'ébullition, et là on en ajoute encore une deuxième fois. C'est un truc qui... On met de plus en plus de houblon à la fin en fait, même pendant la fermentation. Maintenant on met des doses énormes de houblon dans la cuve de fermentation, ce qu'on appelle le dry hopping, ou houblonnage à froid en français. Et puis voilà, bon, là, la fermentation se passe, parce que oui, on ajoute des levures aussi. Ah, donc après l'ébullition, le mou est refroidi. Il y a le houblon qui est ajouté à différents moments, voilà. Oui, donc il y a le houblon que tu poses pour avoir l'amertume, et ensuite le houblon, et ensuite un second, ça peut même être un autre type de houblon pour vraiment pour avoir ajouté des notes florales, quoi. Ouais, par exemple floral, fruité, ça peut être beaucoup de choses. Maintenant, je pense au houblon américain, les très célèbres Mosaïque, Citra, Mario, tout ça, il y a des notes vraiment fruitées, fruits exotiques souvent. Plutôt intense. Alors tu retrouves du litchi, tu retrouves de la mangue, enfin c'est des saveurs vraiment, vraiment intéressantes. Mais si tu les fais bouillir trop longtemps, ces saveurs s'évaporent. C'est pour ça que maintenant on les met dans la cuve de fermentation. Des fois même, j'ai vu au Strasbierfest, il y avait un brasseur qui faisait infuser le houblon directement au service. C'est-à-dire qu'à la sortie du fût, la bière passait à travers un filtre qui était plein de houblon, et ensuite seulement était servie dans le verre. Mais c'est-à-dire que c'était vraiment infusé à la minute, quoi. Je trouvais ça assez intéressant comme principe. D'accord, ok. Et du coup, pour finir le processus, je disais qu'on a le mou houblonné, et du coup on le refroidit, on le met dans une cuve de fermentation, et puis là elle passe. Donc la journée de brassage est finie, on ajoute la levure, et puis là-dedans elle passe de 3 à 8 semaines, on va dire, ça dépend de la recette. Et là ensuite seulement on peut mettre en bouteille ou en fût, et consommer encore quelques semaines après. Donc c'est une épreuve de patience, quoi. Il y a une journée de brassage qui est difficile, d'un point de vue physique, je veux dire, il fait chaud, on porte des charges lourdes, toutes ces choses-là, et puis c'est long, ça dure, ouais... 8h, 9h, 10h, ça dépend comment tu brasses. Et enfin, après, 6 semaines de patience. C'est pour l'instant, moi, je ne me suis pas encore lancé. Tu vois, on m'a offert un kit à Noël, Noël dernier. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore commencé. Tu vois, parce que justement, je n'ai pas encore une bonne matinée de libre pour faire 20 litres de bière, je crois. Mais justement, j'attends un peu d'avoir le temps, la disponibilité, justement, pour faire ça correctement. Quoi. Ah bah c'est le gros problème du brassage. Quand j'étais amateur à l'époque, c'est vrai qu'il fallait trouver le temps, quoi. Maintenant que je suis devenu pro, on va dire que je me donne le temps, il faut. Mais ouais, ça demande une certaine implication, quoi. Puis prévois de la place dans ta cuisine aussi. Oui, et donc je voulais savoir un peu où est un peu la différence entre la brasserie artisanale et la brasserie industrielle. Parce qu'aujourd'hui, la brasserie artisanale, est-ce qu'on voilà, il y a des micro-brasseries, des nano-brasseries, et après il y a des brasseries qui sont plus importantes, mais qui se disent aussi brasseries artisanales. Et après il y a bien sûr, il y a Kronenbourg, Heineken, où là c'est vraiment de la brasserie industrielle. Voilà, un peu comment est-ce qu'on différencie ça en fait? Alors là, vaste question évidemment. Alors c'est sûr, maintenant tu me parlais maintenant des grands Kronenbourg, Heineken, toutes ces choses-là, mais même eux finalement commencent à faire des entre guillemets micro-brasseries ou des micro-lots, et ils se revendiquent, bon, alors, ils sont artisans-brasseurs si on regarde légalement, encore que ça dépend peut-être du volume. Ouais non, les gros qui produisent plus de 10 millions de litres par an, non, ils n'ont plus le droit de mettre artisan, je crois. Enfin bref, c'est un détail légal, on va dire, mais cette question légale, moi, ne m'intéresse pas, parce que pour moi, ce qui fait vraiment l'artisan-brasseur, c'est plutôt le contact avec le produit et avec le client aussi. J'ai un mec qui fait sa bière et qui la distribue, qui voit jamais le client. Déjà, c'est pas... Tu perds déjà une partie, tu vois, de la particularité de l'artisan, je trouve. Parce que comme là, c'était cette semaine, à Kronenbourg a ouvert il a fait une inauguration d'une brasserie Tigre Bock, donc où il brasse justement sur place apparemment. Ouais, alors ça j'ai vu, leur matos c'est magnifique, je suis jaloux, ça c'est clair, non, c'est vraiment très très beau, et du coup, légalement, tiens, si cette brasserie Tigre Bock est séparée du gros groupe, bah, à mon avis, ils pourront se revendiquer artisan-brasseur, Il y a de très grandes chances qu'ils puissent utiliser cette mention. Après, il y a aussi la fameuse mention indépendant, qui est des fois un peu critiquable. Alors, je vais pas citer de nom de brasserie, mais j'en ai une en tête notamment, que je pourrais te dire après, hors micro, disons. Mais il y a des gars qui se revendiquent indépendants, alors qu'ils font, par exemple, ce qu'on appelle du brassage à façon. Alors, ça a rien de mal en soi, mais c'est juste que tu brasses une bière pour une autre brasserie, ou pour une autre marque. Du coup, là, l'indépendance est un petit peu questionnable, disons. Voilà. Donc, il y a ce genre de pratique qui pareil. Et donc, légalement, c'est aussi des artisans brasseurs. Bon, ils ont une belle usine aussi, voilà. Pour moi, ils sont déjà sortis de l'artisanat, quoi. D'accord, parce que moi, j'ai contacté plusieurs brasseries et il y en a tout simplement qui n'ont pas voulu me rencontrer ou voilà. Donc bon, ça là, je tairai aussi les noms parce que j'ai pas envie de leur faire de pub, tout simplement. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas de pub, tout simplement. Et mais c'est vrai que voilà, ouais, parce que par exemple, t'as tes bières, c'est assez difficile à trouver, hein, parce que ça part vraiment très vite. Mais il y a aussi des brasseries artisanales qui sont distribuées en grande surface, par exemple. Alors, des vrais artisans, selon moi, maintenant les gars que je connais, tu vois, les brasseries que je connais et qui sont vraiment artisans à mes yeux, je crois que je les ai jamais vus en supermarché encore. Après, effectivement, alors bon, j'ai quand même cité un nom ou deux, il y a Uberage par exemple ou Sainte-Pierre qui sont quand même des très très grosses brasseries, mais ça reste une petite équipe, tu vois, il y a une dizaine de personnes qui bossent là-bas, dans chaque brasserie, et eux ils sont effectivement distribués en supermarché. Alors, est-ce que ça reste des artisans ou pas? Alors, légalement, oui, la question ne se pose même pas. Aux yeux de beaucoup de monde, je pense que oui aussi. Pour moi, ils sont juste entre les deux, tu vois. Ça reste une petite équipe de passionnés, ils mettent encore un peu les mains dedans, j'ai envie de dire, ça va. C'est vrai que leurs cuves sont quand même déjà bien impressionnantes, quoi. Enfin, je sais pas si t'as déjà vu des photos du beurrage ou quoi, c'est... Ah bah, ça rentre pas dans le garage dans lequel on est actuellement, ça c'est clair, hein. Oui, parce que j'ai écouté un épisode du Podcapsuleur, donc c'est un podcast qui va à la rencontre des brasseries du nord de la France. Et en fait, là justement, eux, ils étaient à un stade où ils étaient une brasserie régionale, où finalement, ils avaient automatisé aussi le mode de production, quoi. Donc du coup, finalement, les personnes, elles brassent. Mais vu qu'il y a plusieurs équipes à brasser pour standardiser le truc, ils ont mis l'automatisation en place, justement pour qu'à la fin, il y ait toujours le même goût à chaque brassin, quoi. Alors ça, la fameuse... Bon, moi, je suis ingénieur de production, donc tout ce qui est standardisation, optimisation, c'est un peu mon métier. D'ailleurs, j'aime bien dire qu'on m'a appris la standardisation d'un côté, et de l'autre côté, quand je vais dans mon atelier, je fais exactement l'inverse, quoi. Après, c'est ce que j'aime, mais c'est vrai qu'en soi... Il y a un exemple que j'aime bien, tu vois, de bonnes bières, c'est les bières Brewdog. C'est industriel au possible, enfin, ils sont énormes, cette brasserie, ils distribuent partout dans le monde maintenant. Ils ont un outil de communication colossal, enfin bref, c'est une grosse corporation, Brewdog, maintenant. Néanmoins, ils font quand même de la bonne bière, même de la très bonne. Et du coup, la question se pose, est-ce que... J'ai perdu le fil de ma pensée, merde. est-ce qu'ils sont... voilà, vu qu'ils sont industriels, est-ce que... Ils sont, on va dire, ils font de la qualité. Est-ce qu'ils font de la qualité artisanale ou est-ce que, voilà, on va plutôt dire ça. Est-ce que en passant dans l'industriel, au niveau industriel, en normant un peu tout le produit final, est-ce que finalement on se bride pas cette liberté qu'on a en brasserie artisanale? Alors maintenant, j'ai retrouvé un tout petit peu ce que je voulais dire. C'est que ouais, on peut faire de la qualité, en fait, même quel que soit le volume, on peut faire de la bonne bière. Par contre, oui, dès que tu viens maintenant industriel, par exemple, tu vas ajouter des fruits dans ta bière. Là, ça m'étonnerait que l'industriel s'amuse à couper 42 000 citrons pour les faire infuser dans sa cuve et les presser à la main, quoi, par exemple. Donc lui, il va utiliser du concentré, des arômes. Il aura plus tendance... Alors, un industriel, enfin même un gros brasseur artisanal, on va dire, le mec qui fait une cuve, il y a 10 000 litres dans sa cuve, si la cuve elle est foirée, qu'il doit la mettre à la poubelle, il perd un argent énorme. T'imagines 10 000 litres, ils vendent ça 5 euros le litre après, enfin c'est énorme comme argent en jeu. Et du coup, comme il y a cet enjeu qui est plutôt énorme, les mecs vont prendre moins de risques à un moment donné. Alors que ce soit maintenant dans leur processus qui seront peut-être un peu moins écologiques, tu vois, processus de nettoyage et tout, l'utilisation de produits. Plus tu augmentes l'échelle de la production, plus ça devient énorme, quoi. Soude caustique, toutes ces choses-là, les mecs prennent aucun risque. Alors c'est important d'avoir un produit de qualité qui n'est pas infecté, toutes ces choses-là, mais j'ai l'impression que les mecs sont un peu plus dépensiers, un peu moins, tu vois ce que je veux dire là-dessus, moins raisonnable peut-être, dans certains cas. Donc, moins écolo aussi. Plus tu augmentes d'échelle et plus ça devient Plus tu augmentes l'échelle et plus ton impact sur l'environnement, là, parce qu'on utilise quand même beaucoup d'eau, est important. Quoi. Ah, remarque, l'utilisation d'eau, par contre, là, c'est peut-être l'inverse. Parce que les industriels, ils ont les moyens d'acheter certains équipements, des échangeurs à plaques, des cuves d'eau chaude, toutes ces choses-là, qui leur permettent de réduire quand même la quantité d'eau utilisée. Par contre, la quantité de produits chimiques, la quantité d'intrants, alors les mecs, ils ont 10 000 litres, ils sont un peu pressés, il faut rentabiliser le matos, alors ils vont utiliser un peu de clarifiant et un peu de stabilisant, ils n'ont pas envie que leur produit change en bouteille. Alors, bon, c'est pas forcément négatif que le produit évolue en bouteille, mais eux, ils n'ont pas envie, donc ils vont utiliser, ouais, pareil, des clarifiants, des stabilisants, toutes ces choses-là. C'est pas forcément top. Pareil, l'utilisation des colorants, moi j'ai vu sur une brasserie que je croyais artisanale et que je crois toujours artisanale, ils ont fait récemment une bière aux fruits, bon bah voilà, colorant et arôme dedans. Ça m'a fait mal au cœur de voir ça, quoi. Sur une étiquette de bière artisanale E425, putain, merde, les gars, quoi. Alors du coup, est-ce que tu peux me présenter ta brasserie, donc la brasserie du Vallon ? Alors, la brasserie du Vallon, très petite micro-brasserie artisanale, expérimentale et originale. En tout cas, j'essaye. Vu les retours que j'ai eu au Strasbourgfest, effectivement, le cahier des charges est respecté, on va dire. Donc ouais, quand je dis vraiment très petite microbrasserie, c'est-à-dire que là, à côté de nous, actuellement, dans le local dans lequel on est a une petite cuve de 100 litres, que j'ai acheté de ça ouais, en 2016. Donc en preuve, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, vraiment, on touche la cuve. Et ouais, l'espace alloué à la brasserie, ça doit faire quelque chose comme 10 mètres carrés à peu près. Allez, 12 peut-être, si vraiment on est généreux. Si vraiment tu t'étends, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est chose que j'ai commencé à faire. Il y a un peu des palettes à l'entrée, là. La cohabitation devient difficile. Mais ouais, donc, microbrasserie, c'est vraiment une petite brasserie artisanale que j'ai fait par passion pour me donner les moyens, en fait, techniques, techniques et financiers, de produire de la bonne bière, de changer de recette, d'expérimenter, de m'amuser, en fait. C'est ça le cœur du truc, c'est vraiment de m'amuser. Et t'as commencé quand, alors, du coup ? Alors, donc j'ai commencé à brasser, comme j'ai dit, je crois que c'était 2013, un truc comme ça, quand j'étais en prépa, en première année. Donc ça, c'était il y a 5 ans maintenant, un peu plus. Et par contre, la microbrasserie a été créée légalement mi-2016. Et le premier brassin, c'était une blonde que j'ai fait début 2017. Parce que oui, ça a pris un peu de temps. Les démarches, tout ça avec les douanes, putain, je t'ai dit pas la galère. Ah, je déteste la paperasse, je déteste tout ce qui est bureaucratie et tout, donc ça m'a... Il a fallu faire un effort, mais ça valait le coup. Et du coup, ouais, après 6 mois de galère, j'ai pu faire la première bière. Oui, parce que tout simplement, à partir du moment où tu produis de l'alcool, donc là, il faut systématiquement passer par la douane. Mais bon, en même temps, plus tu fais un gros chèque à la douane, plus tu vends aussi, quoi. Donc c'est aussi bon signe. C'est pas faux. Et puis après, moi, j'ai eu une chance quand même, c'est qu'en tant que petit microbrasseur, il est bon. Moi, je suis même pas une goutte d'eau, quoi. Je veux dire, on est dans une région viticole. Les mecs, tu les appelles en septembre, pendant la récolte, ou en août, pendant la récolte du raisin, t'es insignifiant. Enfin, t'as... Moi, je vaux rien pour eux, quoi. Je leur paye, je sais plus, quelque chose comme 20 euros de taxes par mois, quoi, quand je produis. Allez, je crois que le record, c'était 36 euros, quoi, de taxes. À côté de ça, t'as des mecs, t'as des vignerons qui, au moment de la récolte, ils sortent, je sais pas, 10 000 euros, des trucs comme ça. Enfin, c'est énorme, niveau somme. Moi, je suis négligeable. Donc, ils m'ont pas trop embêté, quoi. Ils sont sympas avec moi. Ils me répondent quand ils ont le temps, et puis c'est tranquille, quoi. Et alors, quelle est un peu la philosophie de ta brasserie? Parce que, bon, je pense que... Vu que t'écris pas mal sur ton blog, je t'ai déjà beaucoup lu. Donc merci. Sur la brasserie du Vallon, t'as plusieurs blogs et tu écris pas mal. Et voilà, je pense que t'as aussi quelque chose à dire, quelque chose à représenter. Ouais, ça, bah, ma philosophie, c'est sûr qu'il y a le côté expérience et le côté plaisir personnel, tu vois, juste pour moi. Je brasse la bière dont j'ai envie. Mais le deuxième point vraiment crucial, c'est le partage, clairement. Bah, c'est pour ça aussi que je disais avant, quand je parlais de qu'est-ce qu'un artisan brasseur, qu'est-ce qu'un industriel, j'ai parlé du contact direct entre le client et le brasseur. Et ça, c'est fondamental. Je pense que, ouais, il faut qu'il y ait le lien direct. Et ça, moi, je le cherche. C'est pour ça, d'ailleurs, bah, le Strasbourgfest, en l'occurrence, m'a pas rapporté grand-chose en termes financiers. Bon, j'ai pas perdu d'argent non plus, heureusement. Il m'a pas rapporté grand-chose en termes de... Enfin, si, il m'a rapporté en termes de communication. Je veux dire, ma brasserie s'est fait connaître. Mais étant donné que j'arrive pas à produire plus, j'ai pas besoin de cette pub pour l'instant. Par contre, le côté humain, moi j'ai adoré. C'était une journée, enfin, 10 heures de suite à discuter avec des gens, leur faire goûter le malt, leur goûter les bières et tout. Enfin, c'était génial, moi. Ça, c'est vraiment ma passion. Je vis pour ça, clairement. Et donc en plus, oui, c'est donc le Strasbourgfest, donc c'était le week-end dernier, c'était à Neudorf, dans la hall, dans le marché couvert, hein, c'est ça. Et donc là, il y avait, je crois, une quarantaine de brasseurs qui étaient moins, 30. Alors, il me semble qu'il y avait 17 brasseurs, en sachant qu'il y en a qui ne sont pas venus. Alors, Ouais, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'était assez étonnant. Le matin, on découvre, mince, les mecs n'ont pas mis leur stand. Pff, ils sont pas venus, ils ont pas prévenu. Dommage. Et bah oui, en l'occurrence, pas de bol, la mercière n'est pas venue. Et moi, j'aurais bien aimé discuter avec eux, parce qu'il paraît qu'ils sont super sympas. Dommage. Mais bref. Donc ouais, on a fini par se retrouver à 17 brasseurs, je crois. 17 ou 15, bref, à vérifier. On va dire une quinzaine de brasseurs. Après, il y avait des stands de bouffe dehors et tout, c'était sympa. Choucroute, tarte flambée, bretzel bien chaud. Oui, je devais être à 40 exposants, ça devait être ça alors. Alors, tu sais quoi, même pas. Même en comptant le concert, je crois qu'il n'y avait pas 40 exposants. Non, ça restait un petit événement quand même. Et heureusement, parce que bon, il y a eu 1500 personnes, au minimum. Il y a peut-être eu plus. J'ai pas les chiffres. Mais bon, le fait est que si tu répartis ça entre tous les stands, ça fait finalement pas tellement de monde, quoi. Néanmoins, j'ai eu du taf toute la journée, quoi. Il y a eu très peu de moments de pause et c'était intense. Et alors, dans toute la fabrication, un peu, d'où proviennent tes matières premières? Est-ce que c'est facile à trouver? Alors, facile à trouver, oui, plutôt. Maintenant, j'ai un fournisseur belge qui s'appelle la Malterie du Château. Actuellement, je me fournis en malt bio. Comme tu peux le voir, les sacs sont verts. C'est leur gamme bio. Mais ouais, donc oui, c'est facile à trouver. Les matières premières. Par contre, des matières premières locales, ça c'est autre chose. J'aimerais bien trouver un malteur alsacien. Alors il y a le malterie Soufflet qui est localisé à Strasbourg, mais c'est vrai que bon, faut que j'enquête parce que j'ai eu des retours par rapport à la qualité et à leur gamme qui était un peu mitigé. Mais bon, en tout cas, dès que je change de local, c'est prévu de changer de fournisseur aussi et puis de retrouver du plus local. Ça c'est pour l'orge. En sachant quand même que l'orge que j'achète en Belgique, donc le malt, pardon, c'est de l'orge français principalement. À la base. Donc finalement, ça va. Il y a un aller-retour, on va dire, pour l'empreinte carbone, c'est pas top. Faut que je change ça, mais c'est moins pire. C'est pas comme si c'était. Voilà, mais c'est dans l'objectif, c'est de trouver, de faire avec les produits locaux, quoi. Autant que possible, ouais. Bah, du coup, j'achète pour mes hydromels, j'achète du miel local. Mon houblon, c'est principalement du houblon local. Maintenant, en Alsace, on commence à en avoir des super bons. Il y a une époque où il y avait quasiment que le Strisselspalt. C'est la variété alsacienne traditionnelle qui a réussi à survivre. À la standardisation des dernières années. Et puis là, depuis, je crois qu'ils ont commencé en 2005, un programme de recherche, le comptoir agricole, le comptoir du houblon. Maintenant, ils ont développé un houblon, bah, notamment le Mistral. Là, je vois mon seau avec le houblon Mistral juste en face de moi. Ça m'y fait penser, il est excellent. Ça, c'est une nouvelle variété qu'ils ont développée. Enfin, ils font des trucs géniaux. Ils font le barbe rouge aussi. Ça, c'est un houblon qui a des notes de fruits rouges. Alors, il est très très léger, il est pas très intense. Tu compares le barbe rouge alsacien au citra anglais, américain par exemple. Il y a un facteur 10 en niveau puissance, quoi. Le citra, tu mets une goutte, enfin un tout petit peu, ça te donne un goût énorme, alors que le barbe rouge, il est vraiment encore très léger, quoi. Donc il y a encore des améliorations à faire, mais niveau arôme, ils font des trucs géniaux, quoi. Donc je pourrais bientôt faire des bières très variées, très savoureuses, uniquement avec du houblon alsacien. Pour l'instant, le citra est incontournable, je veux dire, l'import des États-Unis, j'ai pas le choix. Enfin, j'aurais le choix, mais les bières sont tellement bonnes avec que ce serait dommage de s'en priver. Mais D'accord, est-ce que tu peux nous en montrer là? Bah oui, Si bien sûr, je peux en plus, on peut un peu regarder. Ça tombe bien, j'en ai juste là. Vu qu'on est sans fil, tu vois, là on peut se déplacer. Alors ça c'est du houblon. Justement, les échantillons que j'avais ramenés au Strasbeer Fest, là c'est des petits verres à vin dans lesquels j'ai mis du houblon. Et je faisais sentir ça aux gens, les gens ont vraiment bien apprécié. Pareil, je faisais grignoter du malt. Et donc là, j'ai justement un verre à vin dans lequel j'ai des fleurs, pardon, de houblon Mistral. Le fameux houblon alsacien, du coup, développé par le programme de recherche. Barinois. Donc vous trouverez ça tout ça sur Twitter, hein, parce qu'on va en renifler. Bien sûr. Ah, ça c'est. Ça va. J'avais peur en une semaine qu'il ait pris l'air et qu'il ait perdu ses saveurs, mais finalement ça va, il reste un peu fruité. Et alors celui-là, alors ce qu'il faut savoir avec le houblon quand même, c'est que non, c'est bon, t'inquiète. C'est que l'odeur qu'il a quand il est en feuille et puis finalement le goût qu'il donne à la bière une fois qu'il est infusé, il y a quand même une certaine différence. Donc là tu sens, enfin moi je sens un petit peu une odeur un peu fruitée, et il y a une, je dirais, bon, il y a une odeur de houblon déjà de base, voilà, ça c'est, et en plus il y a des notes fruitées, et en plus il y a des notes un peu épicées. Alors je sais pas, qu'est-ce que toi t'as ressenti en sentant ce houblon? Déjà, est-ce qu'il sentait bon premièrement? Oui, bah en fait ça ressemble un peu, on va dire, dans le même, un peu la même famille que l'été, hein, on va Ah, dire. celui-là particulièrement, ouais, celui-là c'est vrai qu'il a. Il a un côté. Alors c'est pas le cas avec tous, faut que je te trouve un paquet de. Je vais te faire sentir le citra, je vais ouvrir un sachet pour que tu puisses le sentir. Juste. D'accord. Parce que le citra, ça dépote, hein. C'est. Donc là, on est carrément en live. On ouvre les sachets. Donc là, c'est un petit sachet avec des petits, on va dire, comme des petits pelés. Oui, voilà, exactement. C'est comme la bouffe à lapin. Comme la bouffe à lapin. Ouais. Ok. Ma grand-mère en avait été comme ça, en tout cas. Voilà, j'ai juste. Ouais, c'est vraiment particulier. C'est tout à fait différent au niveau saveur. Celui-là, il est fruité intense, mais il agresse carrément les narines, le citra, quoi. Quand tu compares au Mistral, qui a une petite odeur de thé, celui-là, il a rien à voir avec une odeur de thé, quoi. Enfin, à mon, enfin moi, je trouve. Oui, c'est vrai qu'il y a une autre intensité que tu trouves tout de suite. Alors, éventuellement, on peut en comparer un autre. Là, j'ai un houblon allemand, justement, à disposition, que j'avais aussi amené au Strasbierfest, le houblon Tettnanger. Alors celui-là, je l'aime beaucoup, parce qu'il est quand même plutôt doux, en fait, il a des saveurs douces. C'est du tétingé, quoi, c'est ça? Presque. Alors là, je te laisse. Voilà. Renifleur, fais gaffe, le verre est un peu pété, par contre. Ouais, je vais faire attention. Ah, c'est plus subtil, on va dire. Ouais, celui-là, il est, j'ai envie de dire, un peu plus chaud, un peu plus rond. C'est difficile à définir, mais quand tu compares maintenant le Mistral et le Tettnanger, à l'odeur, là, maintenant, le Tettnanger est un peu plus chaud, j'ai envie de dire. C'est vraiment... Alors, je ressens, hein, parce que c'est vraiment juste l'essence. Hein. Le Tettnanger va extrêmement bien dans des bières blanches, par exemple. Enfin, moi, je l'aime beaucoup dans les bières blanches, parce qu'il se marie bien avec la rondeur et la douceur du blé. Et puis avec le petit goût de levure, bah c'est un houblon allemand, donc avec un style de bière allemande, forcément ça va bien. Alors que le Mistral, comme il est peut-être plus subtil, plus fin, sur une bière blonde, type bière de printemps, il y a matière à faire un truc vraiment super. Parce que ça, on va dire que c'est trois types de houblons, mais donc à l'odeur, là c'est déjà complètement différent, il y a beaucoup de différences, quoi. Donc oui, ouais, moi je dirais que c'est un peu comme l'été, tu vois, que tu peux passer dans le magasin de thé, tu vois, tu veux y faire nifler chaque le thé noir, le thé blanc, et après les thés sencha, et tu trouves toujours autre chose, quoi, que ce soit de la façon dont ils ont été travaillés ou pas, comme le sencha qui est fumé, d'autres qui ne le sont pas, donc ouais, c'est intéressant. Alors, une telle variété, on va dire, de processus de fabrication dans le houblon, on n'a pas trop, pour l'instant. Enfin, si, maintenant, il existe des houblons cryogénisés, où ils ont extrait vraiment juste la lupuline, c'est-à-dire la poudre jaune que tu peux voir des fois par endroit, là, quand tu regardes les feuilles. C'est ça qui contient les huiles aromatiques, les saveurs intenses, et puis l'amertume. Donc, maintenant, on a développé quelques trucs, mais du houblon fumé, par exemple, j'ai jamais entendu parler. Par contre... maintenant, si on peut parler du malt, justement, j'ai des sachets devant, donc ce serait l'occasion d'en grignoter quelques graines. Mais alors là, le malt, il y a une diversité. Alors, il y a du malt caramélisé, il y a du malt torréfié, du juste un peu grillé. Alors, avec des intensités différentes. Enfin, il y a 36 malt, enfin, je dis 36 au hasard, mais il y a beaucoup, beaucoup de malt caramélisés différents, plein d'intensités différentes. Il y a du malt fumé, il y a du malt acide aussi. Mais justement, on parlait au début des fameux lactobacilles qui font de la bière acide. Et ben, en l'occurrence, le malt acide, ils le rendent acide grâce à ces micro-organismes. D'accord, ouais. Et c'est vraiment... par exemple, moi, quand j'étais petit, en fait, mon père, il vient du Korosberg. Donc, c'est au niveau de... C'est à l'ouest de Strasbourg. Et donc, on y retrouve beaucoup de... Enfin, je crois que c'est le seul endroit en Alsace où on y retrouve des cultures de houblon. Et c'est vrai que sur tout le reste de l'Alsace, c'est un peu la monoculture du maïs, là, qui, franchement, c'est un peu le mal-être, quoi, hein, mais bon, apparemment, c'est ce qui rapporte le plus. Et mais vu que chaque produit est différent, quoi. Alors que, on va dire que le maïs qu'on voit, ben ouais, c'est du maïs, quoi. Il n'y a pas de... Et moi, quand j'étais petit, donc, du côté de Molsheim... Molsheim, Kütelsheim, Truchtersheim, c'est tout le coin là-bas. Et en fait, moi j'ai vraiment souvenir qu'on en voit quelques parcelles, mais c'est vraiment secret, quoi. Il n'y en a pas beaucoup. Cette année, j'ai vu un peu la récolte du citra aux États-Unis, mais j'ai jamais vu ça en France, quoi. Ah oui, non, c'est clair. Bah, de toute façon, aux États-Unis, tout est démesuré, ça, y a rien à faire. Mais c'est vrai qu'en France, bon, heureusement, bah, la croissance en ce moment la taille des parcelles cultivées de houblon est quand même de plus en plus grande. Enfin, il y a une croissance soutenue. Parce qu'il y a de la demande, hein, de toute façon, pour du houblon français. Mais c'est vrai qu'on est très très loin des niveaux historiques qu'il y a pu avoir il y a de ça, je sais pas, 20-30 ans. Même maintenant, si on regarde En 2005, il y avait quelque chose comme 800 hectares, il me semble. Et tout d'un coup, il y a eu une crise, je sais plus, il y a des contrats qui ont été rompus, ce genre de choses, et c'était plus assez rentable. Et du coup, d'un coup d'un seul, ils ont arraché des hectares et des hectares de plantations de houblon. On est passé de 800 à 400, un truc comme ça, quoi. En l'espace d'une année, quasiment. Oui, parce que moi, j'ai... nous, ce qui se disait, on va dire, dans les histoires de village, quoi, c'est que... déjà, on a vécu 60 ans de bière industrielle, hein, déjà. Donc ça a déjà fait du mal. Et à un moment, bah, les grandes brasseries, elles se sont tournées, je crois que le houblon alsacien, il allait principalement aux États-Unis, quoi. Il était assez... et du coup, bah, les donneurs d'or, bah, ça fait quand même pas mal de distance, hein. Et les États-Unis et la France. Et finalement, bah, les producteurs américains, ils ont peut-être aussi voulu augmenter leur qualité ou produire... Avec la concurrence qu'il y a, je veux dire, d'un pays à l'autre, même d'une région à l'autre, c'est important. Donc, et ensuite, à l'échelle industrielle, si y en a qui commandent, qui ont moins de transport à faire, ils le font, quoi. Après, il y a aussi la question du coût. Je veux dire, le houblon français, bah, tu le payes au tarif français, le houblon polonais au tarif polonais, quoi. Donc il y a un moment donné où il y a une compétition aussi sur les tarifs. Et quand on parle de bière industrielle, où les mecs cherchent à économiser des dixièmes de centimes par litre, parce que bah, pour eux, ils font 1 million de litres, donc ça vaut le coup, forcément. Bah, là, c'est sûr que ils cherchent des alternatives. Donc à un moment donné, ils ont trouvé moins cher qu'en France, et ils ont cherché ailleurs, je pense. Donc là, on est en train de goûter du malt. Donc là, il y a du Munich. Ouais, c'est ça. Il y a du Munich. Donc moi, ouais, j'ai goûté. C'est, bah, franchement, c'est des gâteaux apéro, quoi. Il est vraiment délicieux. Le malt Munich, il est vraiment top. En gros, donc il y a différents. Donc je dis, il y a plein de couleurs et de processus de fabrication différents pour le malt. Mais en gros, il y a différentes catégories. Il y a ce qu'on appelle le malt de base. Donc ça va te faire à peu près aller entre 50 et 100% de ta recette. C'est la base, c'est le squelette de la bière, on va dire. Et donc là, celui que je t'ai fait goûter, c'est un malt de base. C'est-à-dire qu'il n'a pas été torréfié, il n'a pas été caramélisé. Et il possède des enzymes dedans. Donc c'est ce malt-là qui va apporter les enzymes qui vont être capables de transformer tout le malt en sucre par la suite. Et du coup, celui-là, c'est un malt de base, mais c'est un des plus grillés qui existe. Il est vraiment juste à la limite entre le malt de base et le malt grillé. Et c'est pour ça qu'il est vraiment savoureux. Il a des goûts de biscuit, il a des goûts... Enfin, c'est top, quoi. Parce que du coup, là, sur le cristal, là, je suis en train de goûter le cristal, et là, c'est vraiment grillé, là. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, c'est carrément une autre catégorie. Alors, donc il y a les malts de base, comme on vient de goûter avec le Munich. Et alors ça, en brassage, on a une échelle de couleurs. En gros, ça quantifie combien, quelle couleur va apporter à la bière 1 kg de ce malt, quoi. Et donc le malt Munich que tu as goûté, il a une couleur de 25 EBC. EBC, c'est l'unité. Bref, on va dire qu'il a une couleur de 25. Le malt cristal, quant à lui, il a une couleur de 150. Donc c'est quand même vachement plus grillé, quoi. Et... Donc sur une échelle de combien, les EBC? Donc parce que là, on est 25, c'est assez, on va dire, c'est blond. Alors ouais, 25, ça commence à être déjà blond doré. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas forcément tant la couleur extérieure du grain que son pouvoir colorant dans la bière ensuite, en fait. C'est surtout ça que ça mesure, c'est le pouvoir colorant. Donc en gros, y a des maltes qui montent à 1500 EBC. Alors là, c'est carrément, c'est limite du charbon. Il y a des maltes, bah, j'en ai un, alors le plus coloré que j'ai ici, il est à 900 EBC, c'est un malt qui s'appelle chocolat. Et alors du coup, bah, des arômes de café, de chocolat noir, vraiment très noir. Mais il est vraiment très intéressant, mais t'en mets... Du coup, il a un tel pouvoir colorant, comme dit, il a 900 EBC, il a un tel pouvoir colorant que t'as besoin d'en mettre quelques pourcents dans une bière, et ça apporte la couleur et ça apporte les saveurs. Il est vraiment très très très intense. Je vais t'en faire goûter quelques grains. Oui, parce que là on est sur donc le Munich et le cristal, qu'on prend juste les grains l'un à côté de l'autre. Donc c'est vraiment c'est quasiment la même couleur. Hein. Ouais, c'est le même céréale. Et oui. C'est le même céréale. Ouais, c'est de l'orge maltée. Donc l'orge, c'est la céréale de base, et en fait, quand on dit que c'est du malt, c'est-à-dire qu'il a été malté, donc il a été germé, et ensuite séché, puis ensuite transformé, bah, comme dit, il peut être torréfié, il peut être caramélisé. Mais on peut faire du malt avec de l'orge, avec du blé, avec de l'épeautre, du seigle, du sarrasin, enfin bref, n'importe quelle céréale qui est capable de germer, en fait, tout simplement. D'accord, donc c'est vraiment, à la base, c'est le même type de grain, quoi, c'est la même sorte, quoi. Ça pourrait venir du même champ. Ça pourrait. Par contre, il me semble maintenant, alors je suis pas expert en malt, hein, mais il y a différentes variétés de malt de base qui sont ensuite plus ou moins adaptées à différents types de transformation. Alors déjà, il faut de l'orge de très haute qualité, c'est de l'orge de qualité brassicole, hein, c'est pas de l'orge pour nourrir des vaches, clairement. Et oui, ensuite, ouais, il y a différentes variétés. Il me semble qu'il y en a une qui s'appelle la Maris Otter. Il me semble que c'est une variété de base et qui est justement très réputée pour les bières anglaises. Parce que donc sur les bières anglaises, on est vraiment sur Là, on est vraiment sur des couleurs vraiment très foncées, quoi. Bah, là, quand on parle de bière anglaise, généralement, via Fameuse Guinness. ouais, la fameuse Guinness en Qui est Irlande. irlandaise, du coup, ouais. Ouais, la fameuse Guinness. Bah, du coup, j'ai eu beaucoup la question parce que j'avais apporté du malt chocolat, le fameux malt qu'on vient de goûter là, qui est très coloré, qui est presque bah, qui est brun foncé. J'en avais apporté au Strasbeer Fest et les gens me demandaient tous, ah ouais, tiens, c'est ça qu'on utilise pour faire de la Guinness? Alors je leur disais oui, en partie. Mais les gens croyaient qu'on utilisait 100%, tu vois. Ce serait imbuvable. Mais en fait, c'est vraiment juste quelques pourcents. Ouais, moins de 10%, quoi qu'il arrive, juste pour colorer la bière et apporter ses saveurs. Parce que là, au goût, là, le chocolat, c'est vraiment. Salut. On mange une tartine de pain, mais vraiment grillée, quoi. Hein. C'est vraiment un bout de pain grillé, quoi. C'est assez intense. Pourtant, j'ai que quelques grains là, mais c'est assez. Ça englobe vraiment la bouche, quoi. Hein. C'est pas désagréable, non? Oui, il y a beaucoup de gens qui aiment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de. Mais de toute façon, je vais faire ça maintenant. Dans tous les événements où je vais aller, je vais en donner aux gens parce que pour grignoter avec la bière, les gens adorent. C'est vrai que c'est super bon. Il me semble d'ailleurs, bah, j'ai discuté avec le brasseur qui est vachement sympa. Brasseur tchèque de la brasserie de Lutterbach. Jindra, il s'appelle. La brasserie qui vient d'ouvrir là, il y a 2 ou 3 mois, je crois. Même moins de 3 mois. Enfin bref. Très sympa, ils font de la bonne bière. Et il me racontait que lui, il a des collègues brasseurs en Tchéquie qui font griller de l'orge comme ça pour l'apéro en fait. Ils le mangent comme des cacahuètes. Comme nous on mange des cacahuètes et des bretzels, bah, eux ils mangent de l'orge grillée. Oui, parce que après, donc, si on prend un peu la carte de l'Europe, tout ce qui est donc Bavière, sud de l'Allemagne et République tchèque, Slovaquie, là c'est vraiment le domaine de la pils. Hein. Donc, autant en France on connaît beaucoup les bières belges et qu'on connaît beaucoup moins les pils. Donc, c'est vraiment des bières moins fortes en alcool déjà. Et plus pâle, on va dire. Parce que par rapport aux Belges, on est vraiment où on tape dans les 6-7 degrés. Là, on est plus du 5. Donc, c'est assez. Et c'est aussi des couleurs, des robes qui sont aussi très claires. Alors très très clair, très transparente aussi, c'est vraiment une caractéristique de la Pils en général. Mais c'est vrai que la Pils a eu pendant des années mauvaise réputation, et elle a toujours, aujourd'hui encore, mauvaise réputation. Parce que bah, la Pils, c'est la bière industrielle, c'est de la pisse, tu vois. Enfin, Ouais, c'est de la bière de soifard, quoi, mais mais la vraie bonne Pils, c'est vraiment bon. Et ça, les gens ne le savent pas. Parce que ça fait tellement d'années qu'on n'en a plus bu. Justement, moi, j'ai découvert celle de la brasserie de Lutterbach. J'étais là, le premier verre, j'étais bluffé, quoi. Parce que bon, alors ça reste une bière blonde, hein, c'est sûr, faut pas s'attendre à un truc phénoménal, quoi. C'est pas une Imperial Stout Cream, j'en sais rien, quoi. Enfin, c'est les fameux noms qu'on donne en ce moment. Non, non, ça reste une bière traditionnelle légère. Mais en tant que telle, elle est très qualitative, elle peut l'être, si elle est bien faite. Oui. Bah oui, en plus, moi j'aime bien les pays de l'Est. Donc, à chaque fois, c'est un bon, c'est les bonnes vacances à chaque fois. Donc, que ce soit même la Slovénie, il y a aussi pas mal de choses qui sont sympas, quoi. Et donc là, on est juste dans ton atelier de brassage. Et est-ce que tu pourrais un peu me décrire un peu le processus pour faire une bière, mais le plus basique, quoi? Donc pour commencer, sans aller dans tous les détails possibles, vraiment la version de base, quoi. Donc le truc que tu fais pas souvent finalement. Ouais, c'est vrai. Ah, si je commence à expliquer avec les détails, c'est vrai qu'on y est encore ce soir là. Donc ouais, de base, en gros, je prends mes céréales qui sont là juste derrière moi sur l'armoire. Je fais ma recette, je les concasse, je les passe dans mon tout petit moulin que j'actionne encore avec une perceuse parce que j'ai pas la place de toute façon pour un plus gros moulin. Et ensuite, je le fais infuser dans la cuve qui est juste devant nous. J'ai une seule et unique cuve et c'est ça la particularité de ma brasserie. En général, les brasseries ont 3 cuves. Une cuve qui contient de l'eau chaude, une cuve qui va contenir les céréales et il y a un filtre dedans. Et une cuve ensuite dans laquelle on va faire bouillir. Mais moi, bah, étant donné la place, hein, tu vois bien, une dizaine de mètres carrés, il n'y a vraiment pas 1 mètre carré en trop. Du coup, j'ai dû me débrouiller avec une seule cuve. Et la particularité, c'est que je fais infuser mes céréales en fait dans un gros, ce qu'on appelle un sac de brassage. C'est comme un gros sachet de thé, un peu plus solide quand même. Et que je vais ensuite, donc je fais infuser mes céréales dans l'eau chaude, dans une seule cuve. Ensuite, je soulève le sac, j'ai un palan au plafond, je soulève le sac. Et alors ça me permet de filtrer. Et ensuite je fais bouillir dans la même cuve. Et ensuite je transfère dans la cuve de fermentation qui est à 1 mètre à côté, dans un frigo, pour maîtriser la température parce que c'est très important. Donc pour donc je vous mettrai bien sûr toutes les photos, vous trouverez toutes les photos sur sur Twitter. Et donc la cuve elle est en inox et on est juste à côté de donc là où tu fais cuire. Ensuite, le palan qui est juste au-dessus. Hein, c'est la barre de traction, quoi, finalement. Hein. Et un vieux frigo avec une cuve à l'intérieur, vraiment posée dedans. Et tout ça pour finalement pour avoir une cuve réfrigérée, sans finalement avec de la récup tout simplement, hein, parce que. Ouais. Donc le frigo a dû être un peu modifié pour y coller un thermostat, parce que comme dit le fait de pouvoir maîtriser la température au degré près, c'est assez important pendant la fermentation. Si je veux faire fermenter une bière à 20 degrés ou la faire fermenter à 18 degrés, ça te donne pas le même résultat. Souvent on a tendance à négliger dans la bière un ingrédient principal qui est les levures et aussi une variable principale, c'est quel processus de fermentation. Alors, souvent on dit ouais c'est une bière où on citera, ouais c'est une bière avec tel ou tel malt, mais on oublie souvent, trop souvent, de dire ouais c'est une bière faite avec 7 levures. Parce que tu prends le même moût, tu le fais fermenter avec 2 levures différentes, tu as 2 bières mais alors totalement différentes. Mais vraiment rien à voir, quoi. D'accord, et qu'est-ce que tu utilises toi comme levure ? Alors moi je me fournis pour l'instant pour des raisons de simplicité logistique, on va dire, je me fournis en levure sèche. Chez un laboratoire en fait qui produit des levures, hein, tout simplement. Et j'utilise différentes variétés. Alors il y a de la levure de type plutôt allemande. Les connaisseurs connaîtront la WB06 du laboratoire Fermentis. Voilà. Du coup, c'est pas vraiment des noms que tu vas retrouver sur les canettes, quoi, généralement sur les étiquettes, parce que si tu vois des comment dire, c'est vraiment des noms de laboratoire, quoi. Ah oui, c'est ça. Il y a la US05, la WB06, la S33, la B189. Enfin bref, c'est tout des références pour s'y retrouver facilement, mais c'est sûr que c'est pas vraiment des noms très très joli, quoi. Mais par contre, la levure en tant que telle n'est pas, comment dire, c'est pas, enfin ça reste un produit de qualité, quoi. Je veux dire, c'est une variété vraiment bien cultivée, bien à part. Et c'est pas le fait qu'elle soit en sachet qui va amoindrir la qualité du produit, quoi. Mais c'est vraiment les températures justement qui font pour faire proliférer un peu les levures, quoi, pour vraiment les faire réagir, qu'elle soit dans les bonnes conditions de température pour ensuite produire, pour que tout simplement la levure puisse grignoter un peu tout le sucre et qu'elle le fasse bien, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, finalement, ce qui est important, parce que en gros, là, ce que j'achète dans mes sachets de levure, c'est de la levure en hibernation. Et ce qui va être important pour le brassage, c'est pas tant qu'elle est hibernée pendant quelques mois dans un frigo. Ce qui est important, c'est finalement la vie qu'elle va avoir dans la bière. Et puis ça, en tant que brasseur, c'est mon boulot d'influencer. J'aimais bien, j'avais lu sur un blog anglais un mec qui disait finalement on est des paysans éleveurs de levure, quoi. En tant que brasseur, c'est la majeure partie de notre travail, c'est ça, c'est faire vivre des levures. Et donc il y a un peu il y a un nombre incalculable de sortes de bières, de que ce soit la Stout, la Pils, la Pale Ale, la Weissen, la Lager. Mais quelle sorte de bière tu brasses ici ? Tout. Moi, je brasse de tout. Il n'y a pas de. Je brasse ce dont j'ai envie. Et quand j'en ai envie, donc j'ai déjà fait des lagers, j'ai déjà fait des Weizen, j'ai déjà fait des stouts. Alors, je ne sais pas si on peut la qualifier de stout ou de brown IPA. Enfin, bref. Je suis pas vraiment les catégories à la lettre. Je fais vraiment selon le goût que j'ai envie de créer, selon l'inspiration. Voilà, donc t'as pas vraiment de gamme fixe pour le moment, ou peut-être même pas forcément la volonté d'en avoir une. Alors effectivement, non, le coût de la gamme fixe, alors tout le monde me dit ouais, si tu veux te développer commercialement, il faut une gamme fixe et tous les clients vont attendre ça et tout. Je dis, moi j'ai pas envie et pour l'instant j'ai pas besoin, donc je vais pas me forcer. Mais c'est vrai que dans l'idée, il y a certaines bières, là maintenant j'ai fait la version 4.2 d'une de mes recettes qui s'appelle la pâtissière, que j'ai pu proposer au Strasbierfest, et c'est vrai que j'ai trouvé tellement bonne que clairement celle-là je la rebrasserai, quoi. Donc ce sera pas une gamme fixe en tant que telle, mais on la retrouvera régulièrement chez moi. Voilà, c'est vraiment quand on arrive sur là, c'est une bonne recette, ce serait bête de pas la refaire, quoi. Ah oui, clairement, c'est sûr. Ouais, parce que je crois que j'ai déjà fait 8 7 ou 8 fois, j'ai déjà modifié cette recette en tout, et c'est vrai que là je commence vraiment à tenir le bon filon. Ouais, elle me faisait une super mousse. J'ai publié une photo sur Twitter que le fameux Top Beer a pris sur mon stand, et c'est vrai qu'il y a une mousse épaisse, crémeuse, comme la Guinness en fait. Quand tu la servais, tu voyais la mousse qui remontait peu à peu, les petites bulles, les micro-bulles qui remontaient à la surface comme un café expresso aussi. Enfin, c'est. Rien que d'y penser, j'ai soif. Okay, ça va être d'apéro. Bah ouais, justement. Et actuellement, qu'est-ce que tu as en vente, voilà. Et un peu, quels sont tes brassins à venir pour la fin de l'année? Alors, qu'est-ce que j'ai en vente? C'est la crise. Je crois que j'ai sous les yeux le dernier carton de, bah justement, pâtissière, cette fameuse stout au houblon citra. Par contre, c'est la version 3. C'est pas la même que j'ai servie au Strasbourg Fest, mais là, il me reste exactement 15 grandes bouteilles et 5 petites. Et il me reste quelques bouteilles de 2 litres, mais bon, c'est pour les événements, pour les amis. Bon, je peux en vendre aussi, mais... Et donc, d'ici la fin de l'année, qu'est-ce que tu comptes faire pour les prochaines, là, qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai pas trop le choix. Enfin, moi aussi, j'ai envie de le faire, mais une bière de Noël, évidemment, ça c'est inévitable hein, en fin d'année. Donc, tout simplement une ambrée à la cannelle. J'ai une bonne cannelle bio là, que j'ai trouvée chez un fournisseur. Bah, la fameuse brasserie, la micro-brasserie des Halles, est dans un magasin bio. Et du coup, ils ont des super fournisseurs et j'ai pu prendre la cannelle avec eux. C'est vrai que ça vaut le coup. Bah oui, tout de suite, quand on est sur place. Hein. C'est juste à côté. Ça ressemble un peu à quoi cette microbrasserie des Halles à Mulhouse? Alors, bah, je pourrais te donner aussi une ou deux photos à partager sur Twitter éventuellement. Mais en gros, c'est comme dit un petit local de 36 mètres carrés. Il y a 4 cuves de fermentation, une brasserie 500 litres. Et en fait, la particularité de cette brasserie, c'est qu'elle est visible depuis l'intérieur du magasin. C'est-à-dire qu'il y a des vitres. En fait, il y a un supermarché bio à Mulhouse Centre, 9 rue des Maréchaux. Et il y a deux vitres à travers lesquelles tu peux regarder l'intérieur de la brasserie en fait. Donc ça c'est quelque chose qui revient de plus en plus sur les brasseries récentes. C'est de plus en plus, on a une salle de vente avec dégustation et derrière on peut voir tout simplement les brasseurs travailler. Ouais c'est ça. Dans une logique de transparence finalement, c'est assez cohérent quoi. Et bon, faut avoir la chance d'être là pour me voir brasser par exemple à Mulhouse. Faut avoir la chance de tomber sur la bonne journée. Mais à part ça, ouais. Donc on va mettre un peu de côté le simple consommateur hein, et faire place aux brasseurs qui peuvent nous écouter. Hein. Alors tu as écrit hein, sur un de tes blogs une méthodologie pour créer ta propre recette, sa propre recette. Et du coup c'est très intéressant parce que généralement on n'entend jamais ça, des personnes qui parlent de leur recette tout simplement, tout simplement de leur expérimentation quoi. Et c'est ce qu'on retrouve dans tes blogs. Alors c'est vrai que je suis pas le seul, mais c'est quand même assez rare. Après cet article en particulier, je l'ai écrit parce que, alors non seulement on me posait beaucoup de questions, comme mon blog est quand même lu par, je crois qu'il y a eu 6000 personnes le mois dernier, ça commence à faire du peuple. Et puis beaucoup beaucoup de gens me posent des questions par mail ensuite, ou dans les commentaires. Et il y a une question qui revenait souvent, c'est ouais, la question des recettes, comment est-ce qu'on fait une recette? Et moi-même, quand j'étais, alors tout au début, hein, la première galère que j'ai eue, c'était de concevoir ma propre recette. J'ai jamais fait de kit, en fait, de brassage, tout fait. J'ai toujours innové par moi-même, j'ai toujours fait mes recettes moi-même. Et du coup, c'est difficile en soi de faire une recette parce que tu débarques et à la merde, je commence par quoi? D'abord le malt, d'abord le houblon, d'abord le taux d'alcool, enfin bref. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire une petite méthodologie qui serait un petit guide, on va dire, à suivre pour poser sa recette. Donc la méthodologie SMART. C'est ça. Alors ça, c'est un truc que j'ai piqué à mes études d'ingénieur. C'est ce que j'allais dire. Oui. La fameuse méthode SMART, donc simple. Alors, SMART, c'est un acronyme, hein, c'est cinq mots. Et en gros, ça veut dire que tu dois te fixer des objectifs, des critères qui soient simples, mesurables, ambitieux, réaliste et défini dans le temps. SMART, voilà. Et du coup, ben, en fait, j'ai trouvé que ça s'appliquait vachement bien. J'ai eu une inspiration un soir et j'ai trouvé que ça s'appliquait vachement bien aux recettes de bière. Il faut que la recette soit simple, que la description soit simple, complète, mais que ça reste un truc faisable. Quoi. T'as quoi comme exemple, là, comme ça, par la tête Oh là là. Alors, bonne question, bah, j'en sais rien. Une bière blanche fruitée qui soit onctueuse en bouche et... peu amer, enfin ça peut être vraiment juste, mais vraiment juste, si ça tient en une phrase à mon avis, c'est une bonne chose, parce que si tu commences à te dire ouais je vais faire une bière ambrée fermentée de cette manière avec tel ingrédient, et puis tu commences à faire des à aller trop dans le détail, ah, c'est déjà trop quoi. Ouais, en fait déjà tu te fermes certaines portes, alors que si tu dis tiens j'ai envie de boire une bière blanche onctueuse pas trop amère, hein, là ça commence à tu gardes les portes ouvertes quoi. Voilà, et ensuite tout ce qui est mesurable, il y a les trois chiffres, ouais. Donc le BC, donc la couleur dont on parlait avant. Voilà, donc dont on parlait avant, et avec la limpidité aussi, le taux d'alcool et le fameux rapport BU-GU. Hein. Alors, c'est ça. Ah oui, bon, ça c'est un terme un petit peu profane que les non-brasseurs ne connaissent peut-être pas, d'ailleurs même certains brasseurs n'en parlent pas. C'est ce qu'on appelle l'amertume relative, le dernier chiffre. Mais bref, commençons par le début, effectivement, quand tu, quand tu définis une recette, bah, c'est bien de savoir sur quelle couleur tu veux aller, parce que finalement... Comme on a goûté les malts avant, qui ont chacun des couleurs différentes, t'as capté un peu les différentes saveurs qu'il peut y avoir. Et du coup, quand tu fixes. Donc, on va vraiment de la céréale, on va dire le petit gâteau apéritif qu'on a eu avec le Munich. Et après, avec le cristal et le chocolat, de plus en plus, on est de plus en plus sur du pain grillé, quoi. Du pain grillé, de la mer. Alors, ce qui est intéressant avec le malt cristal, c'est qu'il développe aussi des saveurs un petit peu de fruits secs. Tu vois. Quand tu mets dans la bière, il y a un peu de raisin sec, il y a un peu de figue, c'est assez intéressant. Il y a plein de variantes comme ça. Enfin bref, quand tu fixes la couleur, déjà, ça te permet d'avoir une bonne idée, un peu du type de saveur, vaguement, hein, mais du type de saveur que tu vas retrouver dans une bière. Quand tu bois une stout qui est à 50 ou 60 EBC, tu sais que tu vas retrouver du grillé, du chocolat, ce genre de choses. Tu as des fruits secs, enfin bref. Après, alors au niveau de la limpidité aussi, est-ce que tu peux avoir par exemple une bière, on va dire, assez comme la Pils, assez claire, et est-ce qu'on peut l'avoir un peu trouble ou quoi? Parce que ça, c'est quelque chose qui se fait pas trop des. Alors effectivement, alors si sur les brasseries artisanales en ce moment, les bières blondes un peu troubles, ça se fait quand même pas mal. Mais en gros, il y a deux choses qui peuvent principalement influencer la limpidité d'une bière. En gros. Dans trois choses, pardon. En gros, c'est est-ce qu'il y a des levures qui se baladent dedans? Tu vois, les Hefeweizen, les bières blanches à la levure allemande, elles sont très troubles pour deux raisons, parce qu'il y a de la levure qui flotte dedans, donc ça influence énormément le goût. Et il y a du blé. Le blé, voilà, c'est un deuxième. Alors le blé, l'avoine, ça peut être plein. Il y a certaines céréales qui apportent un trouble. Pourquoi est-ce qu'ils apportent un trouble? Parce qu'il y a des protéines. Et du coup, ce trouble influence la sensation en bouche. Donc c'est une variable qui est quand même assez importante, qui joue sur la douceur. Il y a un peu plus de mâche, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, il y a de l'épaisseur, il y a du corps. Enfin, ça peut être beaucoup de choses. Certaines céréales qui vont apporter une certaine viscosité, un côté un peu soyeux. Bah, notamment l'avoine, moi, je trouve que ça apporte un petit voile soyeux sur la langue. T'as pas besoin d'en mettre beaucoup, mais ça va apporter parce qu'il y a certaines molécules dans l'avoine qui font ça. Et bon, ça peut être intéressant. Et au niveau ensuite du rapport du pourcentage d'alcool? Alors bon, le pourcentage d'alcool, tout simplement, c'est un indicateur. Alors, comme dit, ces trois chiffres ne sont pas parfaits. Tu pourrais en mettre 10 des chiffres si tu voulais décrire ta bière complètement. Il y a notamment l'amertume, les fameux IBU, tu vois. Bon, voilà. Mais bref, il y a le pourcentage d'atténuation. Enfin, le nombre de variables en brassage est assez énorme. Mais moi, j'ai décidé de me focaliser sur ces trois chiffres au début parce que c'est, à mon avis, les plus utiles quand tu débutes, en tout cas. Et du coup, le deuxième chiffre, c'est le taux d'alcool parce que, bah, en gros, c'est l'intensité de ta bière, quoi. C'est aussi un peu jusqu'à quel moment tu arrêtes la fermentation aussi, non? Alors, tu peux pas vraiment arrêter la fermentation. Genre, tu peux pas dire, ah tiens, aujourd'hui j'ai atteint 5%, clac, j'appuie sur un bouton, je l'arrête. En fait, la fermentation va s'arrêter naturellement par rapport à ce que tu as fait précédemment, pendant le brassage, la température d'infusion, et le type de céréales utilisées aussi, mais bref, et le type de levure. Enfin, y a plein. C'est comme partout, tout le temps en brassage, c'est compliqué. Il y a plein de variables qui s'entrecroisent et qui vont déterminer le résultat. Mais le fait est que, ouais. Le taux d'alcool, une fois que la fermentation est commencée, ben, faut que t'attendes. Ou alors sinon, faut faire comme dans le vin et utiliser du sulfite. Mais c'est pas forcément une bonne idée. C'est pas vraiment le délire, quoi. Non. Et donc, après, il y a le dernier, le BUGU. Ouais. Mais ça, c'est un peu le truc... Alors, j'ai lu tout l'article. Hein. C'est un peu le truc où, ça y est, on commence à se tirer par les cheveux. Mais il y a aussi un... Donc, le BUGU, c'est l'amertume ressentie. Et en fait, à partir de là, tu m'as un peu dirigé vers le logiciel Jolie Bulle, qui justement aide au brassage, quoi. Alors, il y a de plus en plus de logiciels comme ça, parce que si tu veux faire tes calculs toi-même à la main, c'est un peu chiant. Même si tu fais avec une feuille Excel, c'est pas top. Alors que là, ces petits logiciels, alors, il y en a plein. Il y a Brew Target, il y a Jolie Bulle, il y en a un super en ligne maintenant français, c'est Little Bock. Ça, si tu peux mettre le lien quelque part, le mec est super sympa, le site est super beau, super complet, et c'est un très très bon outil. Enfin bref, et c'est gratuit. Donc Little Bock, Jolie Bulle, Beersmith, enfin bref, il y a plein de logiciels comme ça. Et effectivement, souvent, ils calculent ce fameux rapport BUGU, cette amertume ressentie, c'est un indicateur, quoi, globalement. Et en gros, ça te permet d'avoir une bonne idée de quel point sera amère ta bière. Parce que juste ce qu'on appelle les IBU, juste et ça aide aussi un peu, comment dire, à avoir un bon équilibre aussi pour le produit final, quoi. Tout à fait. Après, tu peux vouloir un déséquilibre. Par exemple, une IPA, c'est une bière qui est fondamentalement déséquilibrée. Enfin, qui est orientée vers le houblon, mais du coup, elle n'est pas... Souvent, enfin, oui, c'est pas un mal, hein, quand je dis déséquilibre. Hein. Mais... C'est faire différemment aussi. C'est un choix. C'est un choix de l'orienter plutôt vers le houblon, plutôt vers le malt. En général, une ambrée, par exemple, aura une amertume relative peut-être un peu plus légère, parce que bah, tu veux ressentir plus le malt, donc tu décides de diminuer l'amertume, de diminuer la présence du houblon un peu. Alors que, à contrario, une IPA, là, aura une amertume relative qui sera plus costaud, quoi, parce que bah, voilà, tu veux mettre en avant le houblon, et toutes ces choses-là. Ok, donc tout ce qui est bon ambitieux, tu m'as dit que c'était pas trop essentiel, hein? Alors, effectivement, c'est pas essentiel, mais bon, si tu brasses en tant qu'amateur pour te faire plaisir, c'est vrai que ça peut être intéressant, quoi. Il y a un peu le frisson de la découverte, de l'expérience. Bon, c'est ce que je fais un peu chez moi, comme dit, la bière au vin nouveau, c'était sacrément ambitieux, quoi. Voilà. Et ensuite, ben tout ce qui est ben tout, il faut être réaliste quand même. Pas se lancer dans des trucs trop compliqués parce que voilà, on a chacun chaque brasseur à son niveau et que y a énormément de techniques où il faut pas trop se perdre, quoi. Ouais, alors non seulement ça, faut rester humble, on va dire, par rapport à ses compétences, mais aussi, maintenant je vais parler un peu de mon expérience perso, le côté réaliste, ça peut être un truc tout con, ça peut être le volume. Tu sais, moi je brasse une, je veux dire, que tu brasses 30 litres ou que tu brasses 100 litres ou 500 litres, t'as une journée de travail. Alors tu te dis, merde, si déjà j'investis une journée de travail, bah autant produire autant de bière que possible. Tu vois, rentabiliser, on va dire, ton temps de travail. Et du coup, moi j'ai déjà voulu dans cette cuve faire 95, 100, j'ai même déjà réussi à sortir 103 litres de la cuve. Parce qu'en fait, elle est un peu plus grande que 100 litres. Enfin bref. Et du coup, ça débordait presque, quoi, tout le long. Ouais. Non mais attends, c'était l'enfer, faut plus jamais faire ça. Enfin, c'est irréaliste, faut pas chercher à optimiser comme ça. Donc du coup, voilà, faut être réaliste par rapport à son matériel aussi. Je veux dire, si t'as pas du matériel qui te permet de faire correctement un houblonnage à froid et à filtrer correctement ensuite, bah le fais pas. Faut être réaliste parce que sinon tu vas t'emberner, tu vas boucher des trucs, enfin, tu vas pas faire un produit de qualité, c'est ça, vraiment le côté réaliste maintenant. C'est vrai que je devrais peut-être mettre à jour un peu cet article pour redire ça, pour expliquer un peu cette anecdote parce que c'est aussi ça. Et puis ouais, le dernier point, défini dans le temps maintenant. Bon bah ça, de toute façon, le brassage prend du temps, j'ai dit c'est une épreuve de patience. Faut pas essayer de rusher, tu vois, faut pas essayer de faire sa bière en 2 semaines parce que tu seras déçu. Et du coup, donc tu m'as dit à peu près 3 semaines. Après, quand tu le mets dans la cuve réfrigérée, ensuite, en moyenne, on va dire, vraiment une moyenne, c'est combien de temps d'attente? Alors, moi, ce que j'aime bien dire en brassage, dès qu'on te pose une question en brassage, tu peux répondre quasiment tout le temps par ça dépend. Du coup, ouais, ça dépend vraiment, vraiment de la recette. Si tu fais, bon, allez, on va partir sur une recette de blonde à 5%, pas trop originale, ok. Généralement, ça met à peu près une semaine pour que la fermentation commence, à peu près, quoi, c'est ça. Hein. La fermentation, si tu mets une bonne dose de levure, une dose correcte de levure en bonne santé, la fermentation démarre en moins de 24 heures. Ça commence à fermenter, il y a des bulles qui se dégagent en moins de 24 heures. Après, les 3-4 premiers jours, les 5 premiers jours, sur une bière pas trop forte en alcool, c'est là que la majorité du travail va se faire. D'ailleurs, c'est aussi là que c'est très très important de maîtriser la température, parce que c'est là aussi que beaucoup beaucoup des saveurs et des potentielles mauvaises saveurs peuvent apparaître, si tu maîtrises mal. Et du coup, au bout de 5 jours, 90% de la fermentation est déjà presque finie, en fait. Et après, tout doucement, ça va finir de fermenter, vraiment très très doucement. Alors tu peux faire c'est ce qu'on appelle fermentation primaire, fermentation secondaire. Tu peux faire des transferts entre, changer de cuve pour enlever un petit peu le dépôt et essayer de clarifier ta bière. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire pour essayer d'accélérer, de clarifier. Enfin bref, le fait est que ouais, au bout de 5 jours, c'est quasiment fini de fermenter. Ensuite, tu gardes 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour améliorer la qualité, pour clarifier la bière, pour ou tout simplement pour développer des arômes qui c'est qu'avec le temps qu'elles se développent, quoi. Ouais, équilibrer la bière tout simplement, lui laisser le temps de maturer tout simplement. De vieillir un peu, c'est important. D'ailleurs, moi j'ai souvent été surpris hein, quand tu laisses une bière en bouteille. Enfin, pour l'instant, j'étais déçu une seule fois d'avoir laissé une bière en bouteille. C'était bah, sur une bière très houblonnée en fait, ça vieillit assez mal. Les saveurs du houblon disparaissent et ça a tendance à devenir un peu plus amer, éventuellement des goûts un peu moins agréables. Mais autrement, sur mes bières à moi, j'en ai goûté une qui avait plus de 2 ans, j'étais une blonde, hein, toute simple. J'ai été surpris, elle était pas oxydée, elle était très bonne. Elle avait une superbe mousse, elle était une clarté, c'était une limpidité, enfin c'est magique, quoi. Donc la patience. Là c'est la mode un peu, c'est la mode des IPA, donc mais c'est vrai qu'il paraît quoi, c'est vaut mieux la boire dans les 3 mois après qu'elle soit fabriquée, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, au plus tôt tu la bois, au mieux c'est. Et maintenant pire encore parce qu'il y a une nouvelle mode en plus des IPA, c'est les NEPA, NEIPA, c'est New England IPA. Et alors ça, c'est un style de bière, c'est une IPA, mais surdosée, quoi. Et ça, c'est pour les binous USA, là. Là, ils sont à fond dedans, là, les gars, en ce moment. Et d'ailleurs, ça vient en France. Mais le souci de cette bière, le danger de cette bière, c'est que la moindre dose d'oxydation, mais même minime, ça te la ruine totalement. Moi, j'ai été assez impressionné par une expérience qu'un brasseur amateur a fait sur le groupe Facebook brassageamateur.com. Le mec, il a fait juste une expérience, il a rempli 2 bouteilles, la même bière, la même manière. Juste qu'il y en a une qui l'a remplie jusqu'à la capsule, et qu'il n'y avait pas un seul pet d'air dedans. Elle était complètement vide, il y avait que de la bière. Et il y en a une autre où il a laissé, tu sais, bah, tu sais, dans le goulot, il y a toujours un petit peu de, un petit peu de gaz. Et bah, il a juste laissé une dose normale de gaz. Il a fermé les deux, il les a goûtées 3 semaines après. Celle qui n'avait pas d'air du tout était parfaite. Et elle avait des bulles comme il fallait et tout. Par contre, celle dans laquelle il y avait un tout petit peu d'air était ruinée. Sa NEPA était passée d'une belle couleur orange, un petit peu trouble, à une couleur brune carrément, à cause de l'oxydation. Alors qu'il y avait vraiment très peu d'air. Et normalement, en bouteille, quand t'es un artisan brasseur, tu fais refermenter en bouteille, et donc l'oxygène est consommé. Donc normalement, il n'y a pas trop d'oxydation. Et ben, même la dose minime a suffi à ruiner sa bière. Donc c'est pour ça que sur les NEPA, il faut vraiment être très, très, très rigoureux, quoi. Ok. Et donc, un peu aujourd'hui, là, quelles sont un peu tes inspirations quand t'arrives, tu vois un peu le matériel et c'est quoi tes envies Alors, en ce moment, ce qui m'inspire, c'est mon houblon, parce que j'ai un très gros stock de houblon. J'ai reçu encore ce matin un colis là-bas qui est, je sais plus, il doit y avoir 20 kilos de houblon, peut-être, non, peut-être un peu moins. Enfin bref, une grosse, grosse dose. Et du coup, j'ai vraiment envie de faire plein de bières différentes, mais même des bières plutôt simples, en fait, et comparer tous ces houblons. Ça, c'est ce qui m'inspire en ce moment. Et la deuxième grosse inspiration, clairement, c'est les bières sauvages. Maintenant que j'y ai goûté avec ma bière acide au vin nouveau, là, je suis motivé. Il y a une barrique, si tu peux regarder juste là-bas, à l'entrée du garage, il y a une barrique en bois qui est posée un peu en hauteur. Et ça fait, je sais plus, je l'ai acheté il y a bien 6 mois, et ça fait 6 mois que j'ai envie de la remplir. Mais le problème, c'est que j'ai pas trop la place où la poser, j'ai pas trop le temps de tirer une recette, enfin. Mais ça, j'ai vraiment envie. Et puis pareil, dès que j'aurai un nouveau local, j'aurai des barriques et je vais faire de la bière vieillie en fût, ça c'est prévu. C'est ce que tout le monde a un peu envie de faire ensuite, quoi. Ouais, c'est clair. Et moi, je compte mixer du coup les bières acides, du coup qui souvent nécessitent une garde un peu plus longue. Bah, tu vas en Belgique, tu vas goûter les gueuses et les lambics. C'est des bières des fois qui ont vieilli 3 ans en barrique. Et ouais, ça vaut le coup. Ça donne un résultat vraiment intéressant, quoi. Parce que tous c'est des levures naturelles, donc qui sont peut-être un peu plus moins efficaces et qui ont... Elles ont pas été sélectionnées pour fermenter rapidement, donc juste elles prennent leur temps tranquillou. Et puis il y a aussi toute une évolution, il y a une guerre constante dans les barriques entre ces différents micro-organismes. Il y en a un qui prend le dessus, qui va descendre le pH, et puis ensuite il y en a qui va augmenter l'acidité, je voulais dire. Il y en a un qui va revenir par après, qui va consommer l'acidité. Enfin bref, il y a vraiment tout un équilibre qui est à trouver et qui peut prendre du temps, en fait. C'est la guerre. Moi j'ai vu, ne serait-ce que dans ma cuve, quand je l'ai fait, l'acidité n'arrêtait pas de varier. On mesure l'acidité avec une valeur qui s'appelle le pH. Et c'est vrai que d'un jour à l'autre, ça montait, ça redescendait, ça montait, ça redescendait. C'est assez fou. Alors, pas de beaucoup, mais néanmoins, ça variait. Et c'était intéressant de voir un peu évoluer cette guerre, en quelque sorte, quoi, de micro-organismes. Et donc, comment est-ce que tu mets en bouteille aussi Parce que ça, tout ce qui est lié à la nourriture, à l'alimentaire, il y a un boulot de nettoyage qui est assez monstrueux et qui prend pas mal de temps, je suppose. Et ça te prend à peu près combien de temps Alors, bonne question. Alors, effectivement, c'est vrai qu'il y a un point très important quand tu fais de la bière, c'est que tu nettoies tout le temps, quoi. Alors moi, c'est chiant en plus parce que la cave est pas adaptée pour, donc... Je peux pas juste prendre mon jet d'eau et passer un grand coup de jet d'eau partout, quoi. C'est juste pas possible. Alors que dans la brasserie à Mulhouse maintenant, là ça c'est génial, t'as envie de nettoyer, tu prends ton jet d'eau, paf, tu comptes les murs et tout, c'est fait pour, quoi. Enfin bref. Et du coup, comment je mets en bouteille? Eh ben j'ai une petite machine manuelle, en fait, avec trois... On appelle ça des becs de remplissage ou des cannes de remplissage, ça dépend. Mais ouais, et donc je pose mes bouteilles dessus, elles se remplissent tout au même niveau, et puis après j'ai une capsuleuse manuelle. Donc je fais un peu de sport. Après ça va, en général je fais 200 bouteilles, donc c'est pas excessif. Mais c'est vrai qu'au bout de 200, tu commences déjà à sentir un petit peu l'avant-bras et l'épaule qui chauffent, quoi. C'est à quoi se trouve à faire une bonne petite tendinite, là? Ouais, c'est sûr. Comme dit, sur 200 bouteilles, ça va. Par contre, dès que tu passes un volume supérieur, maintenant, si je faisais 200 litres de bière, il faudrait peut-être penser à investir dans une capsuleuse pneumatique ou électrique, quoi. Mais faire le geste à la main, c'est un coup assez squinté. Ok, bah écoute... Tu veux goûter quelque chose, peut-être, pour conclure? Ben ouais, justement, c'est ce que j'allais te proposer. Enfin, on va peut-être passer à la dégustation. Allez. Alors, au choix, soit de la bière, soit de l'hydromel, soit les deux. Ben, de la bière sur l'hydromel, alors. ça a l'air pas mal. Alors, quelles sont un peu les bonnes conditions pour boire une de tes bières? Alors, il faut être dans une cave poussiéreuse à 15 degrés, encombrée de bordel et de matériel de brassage, non? Mais là, on est pas mal, là. Là, on est pas mal. Là, on est bien. Là, on est bien. Non, bon, blague à part, ben, déjà, il faut prendre le temps, premièrement. Ça, c'est important. Moi, j'aime bien servir mes bières vraiment trop froides. et les laisser réchauffer peu à peu dans le verre. Comme ça, tu dégustes en fait 2, 3, 4 bières différentes, mais en un seul verre. Tu vois, en attendant tranquillement, en laissant se réchauffer, tu ressens différents états de la même bière. Ça, c'est intéressant. À part ça, il faut un bon verre. Hein. Verre en plastique, faut éviter. Boire à la bouteille directement pour une bière artisanale, c'est à proscrire totalement. Parce que sinon, tu mélanges la levure qui est au fond, et ça change le goût. Ouais, à part ça, ouais, un beau verre, et puis des gens sympas. C'est déjà pas mal, hein. Je vais chercher ça. La verrerie adéquate. Ouais, dis donc, là, t'as sorti les beaux verres, là. Hein. Alors là, attention, hein. Comme promis, une bière blanche avec un tout petit peu de thé dedans et le chaud hydromel. Attends, je vais juste enregistrer parce que je crois que ça n'a pas pris. Ah, ouais, du coup, je disais une bière blanche avec un tout petit peu de thé dedans, mais on le sent pas trop. Ça reste une bonne bière blanche et un hydromel au miel d'érable. Bah, dis donc, ça. Bien clair. Bien alors, bah, justement, je vois là devant moi, là, il y a des canettes de 33, des bouteilles de 75, des fûts. Qu'est-ce que tu utilises comme embouteillage? Alors, effectivement, je fais des petites bouteilles de 33 centilitres et des grandes de 75. Ça, c'est mon format classique. Derrière toi, il y a deux fûts de 20 litres en inox. Ça, c'est mon nouvel investissement pour vendre à des bars, principalement l'aubergiste à Tannes. Ensuite, j'ai des petits fûts de 5 litres. Ça, c'est en général plutôt pour moi, quand je vais à Strasbourg avec des potes. C'est plutôt sympa. Et dernier format, c'est mes bouteilles de 2 litres. Donc ça, c'est... Ouais, c'est ça. C'est celle-ci, quoi. Ce que les Américains appelleraient des growlers. C'est un truc assez sympa. L'idée, quand je les ai achetés, c'était que le client possède la bouteille, entre guillemets, et qu'il revienne la remplir à la brasserie. Alors, parce que j'avais déjà vu ça à Fribourg, en Allemagne. Donc, en fait, il y a les brasseries de quartier, encore, dans le centre-ville de Fribourg. Et en fait, tous les locaux, ils viennent, ils ont leur cruchon de, je crois, c'est 2 litres 5 en plus. Ce que j'avais vu, c'était vraiment un truc énorme, quoi. Et en fait, ils viennent, ils passent juste au bar, ils se font remplir, et voilà, c'est reparti, quoi. Et c'est la bière emportée. Ouais, bah c'est un peu ce que j'aimerais développer un peu plus tard, quoi. Alors pour l'instant j'ai pas toujours une bière à la pression disponible, donc je peux pas forcément remplir les bouteilles, mais ouais, maintenant je récupère les bouteilles vides, enfin je les échange, quoi. Elles sont consignées. D'ailleurs, les bouteilles de 75 centilitres sont aussi consignées parce qu'elles valent assez cher et puis que ça vaut le coup de les nettoyer, quoi. Alors que les petites bouteilles, par contre, elles sont un peu fragiles, les bouteilles de 33 centilitres, et puis ça prendrait trop de temps de décoller toutes les étiquettes, de toutes les nettoyer. Donc j'ai dû me concentrer sur les bouteilles de 2 litres et les bouteilles de 75. Voilà. Du coup, parce que les petites, elles sont assez fragiles, hein, c'est ça? Ouais, le verre est assez fin, en fait. C'est des bouteilles qui ont été, à mon avis, vraiment optimisées d'un point de vue production. Ils utilisent aussi peu de verre que possible. Donc elles sont... Moi, je leur fais pas confiance. Elles sont peut-être suffisamment solides, mais je leur fais pas confiance pour les réutiliser. Donc elles tiendraient la pression une fois, ça c'est bon, mais elles sont peut-être pas prévues pour faire plusieurs utilisations derrière. C'est surtout que tu sais pas, entre-temps, la personne qui l'a vidée, je sais pas si elle est tombée, si elle était chahutée dans un sac, elle a pris des chocs, tu sais pas ce qu'elle a vécu, la bouteille, quoi. Donc si tu la remplis et qu'au moment où ça refermente en bouteille, que la pression monte, que tout d'un coup elle explose et que ça te fait une grenade, ça fait désordre, hein, dans la cave. Et puis il y a déjà des gens... Bah, juste ce week-end, j'ai discuté avec un gars qui a une entreprise de conseil en création de microbrasserie à Schiltigheim, et le mec était embouteillé, testé une ligne d'embouteillage chez un brasseur. Et une bouteille, il lui a pété à la gueule, quoi. Le mec, il a failli perdre un œil. Ouais, donc il y a quand même ça travaille là-dedans, quoi. C'est pas anodin, quoi. Il y a vite un bar, deux bars, trois bars même de pression. Enfin, ça peut. Bon, non, s'il y a trois bars, c'est qu'il y a un problème, mais c'est pas impossible et ça peut être dangereux, quoi. C'est pas négligeable. D'accord. Et où est-ce qu'on peut acheter tes bières, tout simplement? Voilà, parce que là, on va s'apprêter à les ouvrir. Où est-ce qu'on peut les trouver déjà? Alors, où est-ce qu'on peut les trouver? Déjà, faut bien les chercher parce qu'elles sont pas là souvent. Mais bon, premier lieu évident, chez moi, à la brasserie, en direct. Passer un petit message, un petit mail, un petit coup de fil. Ouais. Sinon, comme je l'ai dit auparavant, chez l'aubergiste à Tannes. Donc c'est un caviste et un bar dans le village, enfin dans la ville d'à côté. Et puis sinon, bah tiens, j'ai reçu encore tout récemment... Le brin de paille à Colmar m'a recontacté, donc c'est une petite épicerie centre-ville de Colmar qui a bien aimé mes produits apparemment. Et enfin, à la pression, alors il y a le bar à Popol qui a eu la chance d'avoir deux de mes fûts à Strasbourg. Il y a Microbrasserie Compagnie à Belfort qui a aussi eu la chance d'avoir deux de mes fûts. Et oui, l'aubergiste aussi qui a ma bière à la pression assez régulièrement, et ma limonade aussi, parce que je fais un peu de limonade pour m'amuser. D'accord, parce que moi je suis passé au brin de paille hier. Justement, parce que c'est peut-être pour ça, oui, je pense que c'est pour ça qu'il t'a rappelé, parce que je dis, ah, bah, là, il y en a eu plus que 6, j'en ai pris 4, je dis, ah bon, alors j'ai dit, oui, il en reste 2 printanières, d'accord. Et bah, du coup, je me suis dit, pour l'instant, j'ai pas goûté tes bières, hein, je me suis dit, on va faire l'expérience complète, et bah, on va voir. Hein. C'est parti, et bah du coup, je vais décapsuler les premières. Ça, c'est pour les amis de BNews USA, là aussi, où Stéphane fait toujours énormément de bruit. Alors, elle va nous faire une belle mousse, celle-là. Donc je disais justement les dégustations de BNews USA. Donc il y a Stéphane qui est moi je trouve ça juste énorme quand il est en train de goûter les bières. Il fait des bruits, mais je vous mettrai une petite compilation à la fin, je pense, hein, parce que c'est vraiment il faut écouter ça au moins une fois. Yes, là on peut faire du beer ASMR. Les fameuses vidéos, tu sais, où il y a des gens qui parlent vraiment très doucement dans un micro. Tu connais pas ? Oui, tout doucement, c'est vrai. Un petit pétiment de mousse. Bon, c'est pas mal, elle est plutôt claire, un peu blanche. Ah, je suis plutôt content de la robe, elle s'est clarifiée depuis la dernière fois que je l'ai goûtée. Elle a une belle gueule. Ouais. Santé. Donc là, on est sur une bière à l'hydromel, c'est ça, hein? Non, celle-là, c'est une blanche au thé. Ah, la blanche au thé. La blanche au thé. Par contre, j'ai fait effectivement un cocktail avec une autre bière blanche et de l'hydromel dedans, et c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. C'est meilleur, j'ai préféré l'un à part, tu vois. Enfin, chaque boisson à part. Ouais, je veux dire que l'hydromel, c'est quand même un, on va dire, soit t'aimes, soit t'aimes pas. C'est un peu comme ça revient un peu au goût de plante, par exemple, quand on a des alcools à base de plantes, c'est soit les personnes aiment, soit elles aiment pas. Quoi. Et le miel, c'est aussi la même chose, quoi. J'ai envie de te dire, ça dépend. Moi, l'hydromel que je fais, moi, il a la particularité quand même d'être très léger en alcool. En général, en France, les hydromels que t'achètes, c'est entre 12,5% et 15% d'alcool. Quand même plutôt fort, c'est que c'est un vin de miel, quoi, réellement. Et aussi, en général, les exemples vraiment commerciaux qui se vendent bien, c'est des trucs un peu trop sucrés. Alors que moi, c'est un hydromel sec, qui est à... Alors celui-là que j'ai en main, il a 9,3% d'alcool. Donc c'est vraiment beaucoup plus fin. Faut, quand tu goûtes mon hydromel, faut pas se dire que c'est l'hydromel moyen, quoi. C'est vraiment un truc un peu expérimental. Moi, c'est comme ça que je l'aime, pour ça que je le fais comme ça. Et j'aime pas les trucs trop forts en alcool aussi, globalement, même pour mes bières en fait. C'est ma philosophie un peu générale que j'essaie d'appliquer partout, c'est de faire des produits savoureux mais légers en alcool. Parce que bon, bah, c'est pas bon pour la santé, l'alcool. Et puis au moins, tu peux en boire tranquillement, prendre la route après sans souci. Enfin. Mais j'allais dire justement, parce que si tu te prends une pinte et t'as la tête en carafe, c'est pas sympa, quoi. Bon, les Belges, ils aiment bien, hein, voilà. Il en faut pour tous les goûts. C'est parti. Allez. Alors, à l'odeur. À l'odeur, je reconnais un tout petit peu le thé particulier qu'on a utilisé, qui a une odeur légèrement un peu de paille, comme ça, de feuilles séchées, en fait, quoi. Mais par contre, c'est vrai qu'au goût, il y a une acidité, il y a un peu de bière blanche, un peu de levure, mais le thé, je le retrouve pas. Au goût, je reconnais bien la blanche allemande. Alors, tu sais quoi ? Je crois que c'est même pas une levure de bière blanche allemande, mais effectivement, au goût, elle a évolué dans ce sens-là. Il me semble que j'ai pas... Alors celui-là, il a été fermenté dans une petite cuve, c'était vraiment une petite expérience, et c'était à un moment donné où je pouvais pas maîtriser la température de fermentation. Précisément, donc il a fermenté, je crois, à 21 degrés au lieu de 19, enfin un truc comme ça. Donc il y a un goût un peu de levure plus prononcé. Et puis aussi, c'est une bière au blé, donc forcément, ça rappelle une bière de blé. Niveau saveur, c'est un goût unique, le blé. Oui, on a un goût quand même, un arrière-goût en bouche qui est assez, je dirais, citronné un peu. Mm-hmm. Ouais, je vais peut-être dire des conneries, hein, parce que moi, je suis juste un buveur, tu vois. Il n'y a pas forcément des choses, on fait pas attention aux mêmes choses quand on l'a fait et quand on fait que la boire. Alors le souci quand on l'a fait, c'est qu'on voit tous les défauts, hein, ça c'est le fléau du brasseur. C'est pour ça que j'ai été assez surpris quand j'ai goûté ma bière brune au Strasbierfest, la fameuse version 4 de ma pâtissière. J'ai pas été capable de lui trouver de défaut. Donc je crois que c'est la première fois que ça arrive, que je bois une de mes bières et que je trouve vraiment aucun défaut. Alors soit je deviens vraiment prétentieux, soit mon palais est endormi, soit j'ai effectivement réussi à faire une bière dont je suis content pour une fois, c'est pas mal. Mais oui, en général, tout le monde me dit « Ouais, elle est super bonne, elle est super bonne. » Et puis moi, je me dis « Merde, mais non, j'ai pas mis le houblon au bon moment, je peux la faire meilleure. » Enfin, tu sais, toujours en train de se remettre en question. Donc, oui. En tout cas, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Bon. Après, comme tu prends la route, t'es pas obligé. Je t'en voudrais pas si tu finis pas le verre. Pardon ? Je disais « Comme tu prends la route, après, je t'en voudrais pas si tu finis pas le verre. » En effet, ça va être un peu dur. Hein. je te le cache pas. Parce que ça fait un petit moment que... Ça fait à peu près 2 mois que je ralentis un peu l'alcool, tout simplement. pour une hygiène de vie, tout simplement. Bah, j'ai envie de te dire, excellent choix, et t'as de la chance, celle-là est à 4,6% d'alcool. Donc, plutôt légère, quand même. Oui, c'est ce que j'allais dire. elle est d'ailleurs aussi assez fine en bouche, hein, finalement, quand tu regardes. Et niveau texture, pour une bière de blé, on aurait pu s'attendre à quelque chose de plus rond, qui tapisserait un petit peu plus, tu vois, qu'il soit plus épais en bouche quand tu le bois. Mais comme elle est plutôt légère en alcool, donc c'est-à-dire en général, une bière légère en alcool, c'est une bière qui a moins de céréales dedans. Donc, comme il y a moins de céréales, elle est aussi moins sucrée, moins généreuse, tu vois, plus fine. Mm-hmm. Ouais. En tout cas, j'aime bien la couleur. Donc oui, elle est assez... transparente dans ton verre. Qu'est-ce que je dirais comme couleur ? Je sais pas trop. Oh, bonne question. blond pâle. et toi, t'as eu de la chance, t'as pas eu de levure. Comme j'ai servi ton verre en premier, il n'y a pas eu de levure qui est venue avec. Du coup, elle est très, très limpide. Enfin, légèrement voilée. Mais vraiment léger, alors que la mienne est clairement voilée. Elle est encore pas trouble, mais elle est clairement voilée. On voit un peu à travers. Mais... C'est une expérience intéressante. Et la mousse, quand même, alors on remarquera, il y a quand même plusieurs choses à regarder quand tu dégustes une bière. Hein. Donc, bon, normalement, avant de la boire, premièrement, tu la mires, tu la regardes un petit peu, tu apprécies la robe, les bulles qui remontent, le col de mousse qui s'est formé, toutes ces choses-là. Tu peux, si tu aimes bien ça, écouter les petites bulles qui remontent, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est vraiment utiliser tous ses sens si possible. Et donc, une fois que tu l'as regardée, c'est le moment de la sentir, chose qu'on a fait aussi. Ça peut être, enfin c'est vraiment intéressant de sentir et de goûter ensuite, mais séparément, parce que tu découvres vraiment deux aspects plutôt différents de la bière. Si elle est bien faite, normalement elle est aussi intéressante au nez que en bouche, en principe. Et ouais, donc et après, de toute façon, quand tu l'as en bouche, ça remonte dans la cavité nasale, quoi. Oui, effectivement, il y a ce phénomène de rétro-olfaction, comme ils aiment bien dire. J'aime bien les termes techniques. Oui, les qualités organoleptiques de cette bière sont vraiment tout à fait conformes au cahier des charges. C'est justement le truc, c'est bah ouais, je sais pas, tu bois une bière, quoi. Enfin, ouais, voilà. Est-ce qu'elle est bonne? J'aime bien, moi, toujours demander aux gens, parce que. Souvent, je déguste une bière avec les gens et puis ils sont là un petit peu. Oui, alors moi, je connais pas trop la bière, je sais pas trop quoi dire. Tu sais, ils sont un peu gênés, tu vois. Ils se sentent pas trop capables. Mais je trouve que c'est dommage parce que enfin, j'ai initié mon meilleur ami. Comme dit, ça fait 5 ans que je brasse de la bière, donc t'imagines bien que je l'ai initié à la dégustation entre temps. En fait, c'est le gars qui teste, quoi. Ouais. Ah, le premier crash test, bah, si, Alex, si tu écoutes, ton miroir s'en souvient. Une bouteille qui a un petit peu giclé. Un petit peu. Bon, enfin bref, du coup, les gens se sentent pas capables de déguster, mais une fois qu'ils se disent ah, en fait si je peux, tu vois, tout simplement, tu commences à leur demander bah, premièrement, est-ce que tu l'aimes, qu'est-ce que tu ressens, tu vois, t'as pas besoin d'être sûr de toi, mais vaguement, qu'est-ce que tu ressens. Tu me disais avant citronné, tu m'as dit t'es pas sûr de toi, mais ouais, je suis plutôt d'accord. De toute façon, c'est personnel, c'est subjectif, la perception des saveurs, et c'est un exercice vraiment difficile en fait, parce qu'on n'est pas câblé mentalement pour facilement exprimer ce genre de choses. Mettre les oui, même il y a pas forcément, on n'a pas forcément le, comment dire, le vocabulaire aussi. C'est vrai que dans le vin c'est plus répandu, ça. Et bon, c'est un peu le côté pompeux du vin, tu sais. Ah oui, c'est un peu de Roland, il y a de la robe, machin. Non, mais attends, enfin, il faut un peu parler aussi un peu normalement. C'est par exemple avoir le goût terreux, par exemple. Je dis, mais ouais, mais comment ça se dit, quoi? Enfin, comment ça se traduit? C'est aussi ça, un peu, faire savoir aux gens comment, un peu les goûts, peut-être aussi un manque de vocabulaire, tout simplement. Alors, en parlant justement du manque de vocabulaire, même des fois, tu peux très bien connaître le mot, connaître la saveur et toutes ces choses-là, mais juste, ça ne te vient pas. Moi, je sais que j'avais fait une bière, et ben, je crois bien que c'est la printanière, tiens. Alors bon, maintenant, comme elle a passé un certain temps, comme dit, ça fait quelques mois qu'elle est en rayon chez lui, elle a été brassée il y a... Au mois de mars. au mois de mars, donc ouais, ça fait quoi? Plus de 6 mois, 6, 7 mois. Bref, du coup, les saveurs houblonnées ont certainement évolué, mais à l'époque où je l'ai faite et où je l'ai goûtée, je l'ai présentée à un pote à mon père, qui m'a dit: purée, elle a un super goût, elle est très douce, effectivement. J'ai utilisé du houblon dont j'ai parlé avant, le houblon barbe rouge. Et il m'a dit: purée, c'est un goût de melon. Et là, purée, pour moi, ça a été la révélation. J'avais déjà goûté 10 fois avant cette bière. Et j'ai dit: ouais, elle a des goûts fruités, un petit peu doux et tout, mais j'arrivais pas à trouver le truc. Et là, il a dit melon, paf, une petite lumière s'est allumée, c'était exactement ça. Donc, même moi, entre guillemets, qui suis expert, hein, bref, modestement, mais bon, je commence à accumuler de l'expérience, et ben, des fois, je trouve quand même pas, tu vois. Et il faut que quelqu'un qui lui était totalement novice vienne et puis me dise ça. Non, Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est génial dans le partage, justement. Ce que j'aime vraiment dans la bière et dans la dégustation, c'est ce côté partage. justement, au niveau dégustation, la semaine dernière, donc en fait, je suis Bob le chef. Donc Bob le chef, c'est un cuisinier qui vient de Montréal. Et en fait, tous les dimanches, il fait une émission de 3-4 heures dans sa cuisine. Et donc, il reçoit en ce moment, parce que c'est le mois d'octobre, donc c'est le mois pour la lutte contre le cancer. Et il reçoit des brasseurs qui présentent leur bière et ça s'appelle, je crois, ça brasse contre le cancer, un truc comme ça. Et donc, du coup, le dimanche dernier, là, il y a eu. C'était vraiment une belle émission avec des brasseurs qui sont venus et ils ont expliqué plein de choses. Vraiment, c'était vraiment, voilà, comme on va dire, comme un peu comme ici, et c'est un peu l'exemple que j'ai d'ailleurs, parce que c'est vraiment, on va dire un présentateur, un podcasteur, ouais, c'est un peu bâtard parce qu'il est carrément, lui, il fait carrément ses émissions sur Twitch, quoi. Donc, il est dans sa cuisine avec ses invités. Et il a trois caméras, donc une face cam, une cam sur le dessus et une cam sur le côté. Et en face, ben, il a le chat, les machins. Bon, c'est un truc. Moi, je rêverais de faire ça, tu vois. C'est un truc. Et voilà, faire ça pendant trois, c'est 3 heures de 14 h à 16 h, donc à Montréal. Donc c'est généralement le dimanche soir à partir de 20 h, 21 h. On l'a dit en direct et tu peux faire ta soirée comme ça avec Bob qui cuisine et les amis qui sont là, quoi. Et ça, c'est et justement tout ce qui est il parle pas mal de bière et c'était aussi c'était un très bon exemple, quoi. Bah oui, il y a matière à parler et puis à passer de bons moments autour d'un verre de bière, de toute façon. Justement avec Bob le chef, justement, t'as des moments un peu qui sont un peu wild. Alors il y a des, alors je dirais, tu vois, qu'il y a des moments un peu calmes et finalement comment dire, ça plaît pas à tout le monde, mais c'est des moments où en fait il se passe pas franchement grand chose, mais c'est parce que voilà, il y a la casserole qui est en train de chauffer, on est en train de, tiens, il parle d'autre chose, il y a le chien qui aboie, ou, tu vois, c'est complètement hors norme, quoi. Du coup, tout ce que tu peux voir là, par exemple à la TNT, je veux dire, moi je regarde plus la TNT, mais c'est un principe où tu vois, il y a vraiment plein de choses à voir, tu vois, et c'est juste un partage ensuite avec bah voilà, tu réponds à ces tweets, tu discutes, tu regardes, tu partages, enfin tu participes au chat. C'est assez fou comme expérience, quoi. Et c'est vrai que voilà, cette expérience avec le public est quand même c'est assez énorme, quoi. Le côté interaction a l'air vraiment sympa. Et puis bon, c'est naturel, quoi. Il y a pas de mise en scène, quoi. C'est vraiment la vie, voilà, le moment pur. Ah non, absolument pas. Là, il avait son fils qui jouait à Fortnite juste sur le tabouret derrière, et les autres, ils étaient tous en train de boire des bières à côté. Excellent. Bon, bah, faut lancer le concept en Alsace. Hein, c'est parti. Ah ouais, bon, faudrait voir, mais là, c'est une autre dimension, là. Commencer modestement, hein, avec une caméra et hein, commence tout doucement, une caméra, un micro, et puis c'est parti, hein, il faut pas grand chose. Ouais, c'est vrai, faut pas se mettre de barrière, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, il faut être fier de ce qu'on fait. Voilà. Alors, t'as un peu aussi, tu proposes aussi un peu quelques prestations, donc que tu fais pas. Bah, justement, tu brasses une fois tous les 3 mois, et dès que tes cuves sont pleines, bah, il faut aussi que tu fasses un peu autre chose. Alors, qu'est-ce que tu fais justement? Alors, bon, je fais beaucoup de... Je suis pas mal oisif en ce moment, faut dire. Mais néanmoins, je suis consultant en création de microbrasserie. C'est-à-dire que j'accompagne des projets un peu partout. Donc bon, le projet de la brasserie de Mulhouse, celui-là maintenant il roule, c'est bon. L'atelier est créé, équipé, on brasse. Mais j'accompagne un projet à Belfort, bah, en l'occurrence microbrasserie et compagnie. Pour l'instant, je forme le patron, Greg, qui est super sympa. Donc le bar est déjà ouvert. Mais ils ont une grande place à la cave. Et on va y installer une petite brasserie 300 litres. Donc je suis les commandes, je conçois l'atelier, toutes ces choses-là. Puis on conçoit les recettes avec Grégory, je le forme, je lui apprends à brasser. Parce que l'objectif final, c'est qu'il puisse faire sa bière dans son bar. Et ouais, et le proposer aux gens, quoi. Et voilà, donc un peu avoir une solution un peu, on va dire, pas clé en main, mais la porter jusqu'à ce que ce soit autonome, quoi. Ouais, c'est vraiment ça le principe, c'est vraiment de l'accompagnement de A à Z, quoi. En gros, il n'y a pas... C'est pas juste une prestation, c'est vraiment un truc sur mesure, quoi. C'est vraiment... Je suis son guide, entre guillemets, enfin... C'est vraiment ça que j'aime bien, quoi. Le côté rendre service et puis s'adapter à chaque projet, aux besoins de chacun. J'accompagne d'autres personnes un peu sur Paris maintenant, j'ai eu des demandes, enfin, il y a un peu partout. Alors, ça peut être, en l'occurrence sur Belfort, ça me demande pas mal de temps et beaucoup d'implications, donc c'est une prestation payante. Après, il y a quelques personnes à qui je discute par mail où c'est gratuit, tu vois, mais c'est différent. Après, il y a un mec dans la Meuse qui avait un projet, ah ben, je l'ai accompagné pendant un temps, je l'ai formé, je lui ai conseillé son matériel, enfin, on faisait des retours d'expérience sur ses recettes, enfin, c'est pas mal de choses. Bah, en gros, je partage mes connaissances, quoi. Donc ça, c'est... Voilà, ça dépend aussi de l'implication personnelle, comme voilà, par exemple, juste un mail, ça coûte pas grand chose, et ensuite, oui, ça prend un peu de temps, mais je veux dire, c'est pas voilà, tu vas pas sur place et directement, quoi. Oui, c'est ça. Alors que sur le projet de Belfort, par exemple, bah, le mec a besoin d'une livraison, d'un machin, des trucs, il a besoin de conseils, bah, je suis tout le temps là, quoi. Je suis vraiment là pour lui, quoi. Après, qu'est-ce que je fais d'autre? Bah, j'ai aussi fait des trucs type un enterrement de vie de garçon. Genre, j'ai un petit outil de brassage que tu peux voir, pareil, là, juste devant la cuve en inox là-bas. Donc c'est vraiment très petit, c'est vraiment transportable sans souci. C'est ce qu'on appelle un grandfather. Donc c'est une unité de brassage automatique 30 litres. Et alors avec ça, je suis déjà allé brasser une bière pour un enterrement de vie de garçon qui a ensuite été proposé au mariage de cette même personne, quoi. Et donc ouais, ça c'est le genre de truc qui a bien plu, il y avait une dizaine de personnes, on a passé une après-midi tranquille à brasser, à déguster des bières, à déconner, enfin c'était sympa, quoi. Puis ouais, à part ça, qu'est-ce que je fais d'autre? Et sinon, bah, tu fais aussi de la vente d'ingrédients pour les brasseurs amateurs? Alors, effectivement, j'ai fait ça. Alors en ce moment, bah tiens, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, je crois que j'ai nouveau fait une vente, ou il y a 2 semaines, je sais plus. Enfin bref, une fois de temps en temps, effectivement, comme j'ai un gros stock et que j'en ai pas besoin d'autant, ben je revends ce que j'ai un petit peu, et puis à des tarifs très avantageux, quoi, parce que quand t'achètes, on a fait venir, bah tu vois les palettes, d'ailleurs toutes les 5 palettes qu'il y a là, elles étaient pleines jusqu'au plafond de sacs de malt, j'ai fait une commande groupée, il y avait 27 personnes qui ont participé, les mecs ils repartaient avec une bagnole pleine de sacs de malt, parce qu'on a des tarifs assez intéressants, quoi. Quand t'achètes en gros, si t'achètes sur internet au détail, tu payes 1,20€, 1,50€ le kilo. Chez nous, c'est presque 2 fois moins cher, quoi. Ok, donc c'est vraiment l'intérêt de faire des achats groupés et ensuite de proposer aux brasseurs amateurs qui sont partants à faire des choses un peu de sortir des sentiers battus, quoi. Ouais, c'est ça. Bah après, il y a des boutiques qui existent maintenant. Il y en a une sur Colmar, si je dis pas de bêtises, qui a ouvert. Je connais pas trop leurs tarifs, mais c'est de la revente, donc forcément, ce sera plus cher, quoi, que les commandes groupées directes. Puis là, le mec, les commandes groupées, t'as vraiment accès à toute la gamme, en fait, du fournisseur. La malterie du château a quand même une gamme plutôt conséquente. Et du coup, bah, tu peux... Puis pareil, je rendais service quand même, c'est-à-dire que j'acceptais d'ouvrir les sacs. T'sais, c'est livré en sac de 25 kilos. J'acceptais de les ouvrir et puis les répartir entre les brasseurs, quoi. T'as besoin que de 4 kilos, t'achètes 4 kilos, pas de soucis. Donc oui, c'est vachement plus pratique que pour un brasseur amateur qu'il va acheter un sac de 25 kilos qui finalement va se perdre, va perdre de qualité gustative. Et ça c'est bête, quoi. Alors après, bon, j'ai passé une sacrée semaine, hein, purée. Quand la commande a été livrée, alors déjà le garage était plein de sacs de malt, c'était l'enfer. T'imagines, il y avait 4 tonnes et demie de malt. Donc tous ces sacs, il a fallu les porter à un moment donné, les mettre dans mon stock, les mettre dans les voitures des gens, toutes ces choses-là. Mais alors le pire, je crois que c'était le pesage du houblon. Parce que j'ai ouvert ces sacs de 5 kilos de houblon, puis il fallait les peser. Alors il y a un mec qui te prenait 600 grammes, un mec qui te prenait 1 kilo, puis je mettais tout ça sous vide dans des sachets, parce que j'ai une petite machine sous vide. Mais alors la poussière de houblon dans le nez, pendant, ça m'a pris, je crois, ouais, au moins 8 heures de taf, de faire tous les petits sachets. Oh, à la fin, attends, j'en pouvais plus. C'est ça, pique dans le nez et tout. Ah, ça sentait bon, hein, dans le garage, hein, ça c'est clair. Mais alors, c'était du sport. Alors, j'avais pensé un peu à tout ce qui est donner quelques conseils pour les amateurs, mais je pense que là, c'est faut se lancer, quoi. tout simplement, c'est le premier conseil. Mais aussi, ce que je me disais, c'est pour les brasseurs amateurs qui souhaitent passer un peu à la vitesse supérieure, au niveau supérieur, qu'est-ce que tu conseilles, toi? Vaste question, encore une fois. Déjà, la première question, alors effectivement, si le mec est déjà brasseur amateur, qu'il a déjà quelques années d'expérience, il peut se dire, enfin, il peut avoir une bonne idée de si c'est faisable ou non. Parce que si tu te lances dans le brassage pro, faut avoir une sacrée passion. Parce que déjà, pour passer au-dessus des démarches, faut vouloir. Faut réunir les financements, tout ça, c'est encore toute une autre question. Mais après, faut pouvoir le faire comme métier. Là, tu le fais en tant que brasseur amateur. C'est ta passion, tu vois, tu le fais tranquillement chez toi, des petits brassins une fois de temps en temps. Ça te prend pas forcément trop de temps, enfin bref. Quand tu le fais en pro, admettons que t'as un loyer à rembourser, un prêt à rembourser et tout, t'as intérêt à taffer régulièrement, quoi. Faut pouvoir tous les jours te dire, ok, je vais bosser à la brasserie, quoi. C'est difficile, il fait chaud, les brassins sont plus lourds, plus longs, plus... Enfin bref, c'est physiquement, c'est aussi éreintant. Comme je te dis, transporter 4 tonnes et demie de malt, ça demande un effort physique important, faire les fûts, tout ça, faire toutes les livraisons, faut vouloir faire la compta, enfin bref, être indépendant, lancer sa brasserie et tout, c'est pas... Enfin, souvent, si on voit le côté amateur, on se dit, ouais, c'est facile et tout, mais dès que ça commence à devenir sérieux, il y a quelques personnes qui déchantent un petit peu rapidement. Donc vaut mieux en être conscient avant. Après, parce que t'as la partie donc on va dire brassage, mais après t'as la partie vraiment commercialisation où t'es vraiment tu peux être à toutes les casquettes, quoi. Ouais, quand tu commences, alors si tu commences à échelle modeste seul, effectivement tu fais tout, quoi. T'es un homme orchestre, quoi. Tu fais la compta, tu fais les livraisons, tu fais l'approvisionnement, tu fais la communication aussi, très important. À mon avis, il y a pas mal de brasseries qui se lancent, qui... C'est important, alors je suis peut-être un peu biaisé parce que je me suis pas mal renseigné là-dessus, mais c'est le nerf de la guerre, en fait. Genre, le premier truc, avant même de produire, il faut communiquer. Alors moi, je le fais par passion, parce que j'aime bien ça. Il n'y a pas de logique marketing, croissance, toutes ces choses-là, moi, ça m'intéresse pas, ça. Mais oui, parce que on m'a dit que tu faisais tes livraisons de bière en Blablacar. Effectivement, j'ai fait ce genre de choses, oui. Alors c'était moi le conducteur, mais j'avais assez souvent, j'ai souvent quelques cartons dans le coffre. Ouais. Ah, je peux dire que ma Clio, elle en a vu, hein, des trucs avec des 400 kilos de malt dans le coffre, des dizaines de fûts, enfin optimisation 100%, quoi. Voilà, et après toi maintenant, dans quelle direction un peu tu te diriges avec la brasserie? Donc je pense que 2019, donc c'est l'agrandissement. Ouais, c'est ça. Agrandissement, pas forcément tout de suite, mais en tout cas au moins changement de local pour se mettre à l'aise, acheter une ou deux cuves de fermentation en plus, clairement. Après moi j'ai pas, contrairement à pas mal d'entreprises finalement et d'entrepreneurs, j'ai pas d'objectif comme j'ai dit, de croissance avant, ça m'intéresse pas ça. Moi dès le début, quand je me suis lancé dans ce projet de microbrasserie artisanale, je me suis dit ok, mon objectif max, je veux que ça reste une entreprise à taille humaine, je veux pas faire des brassins plus gros que 500 litres. Alors 500 litres, c'est déjà une belle cuve, hein. C'est déjà, à mon avis, c'est là que se situe la transition vraiment entre l'artisan qui met les mains dedans et l'opérateur de brasserie qui est déjà un peu plus éloigné du produit. Comme dit, ça n'empêche pas de faire la bière de très très bonne qualité, hein. Je veux dire, ça c'est cool. Et même, oui, parce que j'allais dire, là on est juste, là il y a juste 100 litres, ouais, c'est 5 fois plus, donc c'est 2 chauffe-eau, quoi. 5 chauffe-eau. Ouais, à peu près, quoi. Ça dépend de ton chauffe-eau, mais effectivement, ça reste un volume humain, quoi, on va dire. Et puis pareil, moi, ce qui est intéressant, ce que j'aime bien aussi, donc il y a deux raisons. Non seulement je veux pas devenir une énorme entreprise qui va conquérir le marché, bouffer des parts de marché, croître, chercher la rentabilité, toutes ces choses-là, moi, j'aime pas trop. Mais en plus, le fait d'avoir un petit volume permet d'innover et de faire des recettes différentes souvent, quoi. Et ce changement, cette variété, et puis le fait de pouvoir un peu surprendre mes clients et puis m'amuser moi-même, c'est quand même, ça reste le cœur du truc, quoi. Oui, j'allais dire, de toute façon, l'acheteur, il est quand même assez volatile, quoi. Donc, il y a tellement d'offres en bière que on aime bien changer, on aime bien, voilà. Donc, si en plus la brasserie change aussi, enfin, moi, ça me perturberait pas tant que ça, quoi. Après, quand je dis que je veux pas avoir de gamme fixe, apparemment, je fais peur à beaucoup de gens, ne serait-ce que mes parents, maintenant, quand j'en parle avec eux. C'est vrai qu'ils disent, ouais, mais t'es sûr, pour les clients, pour les fidéliser et tout, t'auras besoin de... Bon, on verra si un jour j'aurai besoin, si vraiment c'est nécessaire, bon. Mais à part ça, non. De toute façon, ouais, comme tu l'as dit toi-même, effectivement, les gens cherchent pas mal de la découverte, il y a énormément de brasseries différentes. Donc, de toute façon, ils changent tout le temps de recettes, tout le temps de bière, ils veulent découvrir. Donc, autant donner... Autant produire des trucs différents pour justement les faire découvrir, quoi. Oui, après, c'est pas forcément le but de, par exemple, d'avoir, je sais pas, six bières et les faire tout le temps. C'est aussi un peu lassant, quoi. Ouais, carrément, ouais, ça c'est le côté un peu rébarbatif du travail. Ouais. C'est ça que moi je cherche à m'amuser, il faut que ça reste un plaisir. Après, faut aussi trouver du plaisir dans le processus. Je veux dire, tu peux brasser 30 fois la même bière et quand même trouver ça plaisant. Moi, j'aime le processus de brassage. C'est ça aussi. D'ailleurs, deuxième conseil par rapport aux gens qui voudraient se lancer dans le brassage, d'ailleurs que ce soit amateur ou pro. Il y a beaucoup de gens qui me contactent, qui veulent direct se lancer en pro et tout, mais les mecs, ils aiment la bière. Ils sont passionnés, ça, je peux pas leur enlever. Mais ils aiment la bière. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'ils aiment le processus? Parce que c'est ça que tu fais quand tu crées ta brasserie, amateur ou professionnel. Tu fais le processus, plus juste. Ouais, est-ce que tu aimes le nettoyage aussi, quoi? Putain, mais, alors là, t'as intérêt à aimer le nettoyage, effectivement. Alors, donc là, tu es en train de me montrer la récolte que tu fais dans ton jardin. Oui, c'est ça. Donc j'ai un pauvre sachet qui contient exactement 8,8 grammes de houblon de Strisselspalt. Voilà. Cette année, c'était vraiment une année à la con, faut le dire, pour mon jardin. Il a fait vraiment trop sec, c'était terrible. Par contre, par chance, j'ai quand même réussi à trouver un petit peu de houblon sauvage. Donc là, j'en ai à peu près 70 grammes en main que j'ai récolté le long de la ture. Et il y en a encore, il y a 3 caisses qui sèchent sur l'évier. Pareil, des lianes de houblon que mon père est allé récolter dans la montagne derrière chez nous, dans les vignes. Et j'en ai encore récolté, alors c'est assez marrant, mais c'est près de la gendarmerie à Cernay, sur le grillage de la gendarmerie. Et d'ailleurs, justement, un des gendarmes m'a contacté, et puis on va brasser la semaine prochaine une bière ensemble avec ce houblon. Bah justement, c'est pratique. Ça, voilà, c'est plus local que ça. C'est local. Ah là, c'est local 100%. Et donc en fait là quand tu arrives sur un houblon local, donc tu sais pas ce que c'est, donc c'est sauvage, et voilà, c'est un peu la surprise aussi, quoi. Alors ouais, effectivement, ce que j'avais pu faire, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, non, ça devait être l'année dernière, j'ai fait une bière au houblon sauvage qui s'appelait la Sauvage d'Alsace, et je suis allé cueillir les houblons alors dans la forêt de Steinbach et puis le long de la Thur, une rivière qui coule entre Cernay et Tann, pas loin de chez moi. Et du coup, à cette époque-là, l'année dernière, il y a eu vraiment pas mal de houblons. J'ai pu sélectionner vraiment les lianes de houblons, les plants de houblons qui avaient les caractéristiques aromatiques qui m'intéressaient. Alors je suis allé en chercher un qui était plus doux et épicé dans la forêt. J'ai trouvé vraiment ce qu'il me fallait, j'ai cueilli la quantité qu'il me fallait. Et le long de la Thur, j'en ai trouvé un qui avait des saveurs un peu d'agrumes comme ça, un peu plus intense, un peu fruité, qui me plaisait aussi. Et je me suis dit que les deux ensemble allaient bien. Et donc j'ai pu choisir, tu vois, un peu comme dans un magasin, tu choisis le produit qu'il te faut. Là, il y avait tellement de variétés de houblons disponibles le long de la Thur que j'ai pu choisir ce qu'il me fallait. Cette année, c'est un peu plus compliqué. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Franchement, le long de la Thur, il y en a presque 10 fois moins. Je sais pas si les lianes n'ont pas poussé, elles ont crevé parce qu'il y avait plus d'eau. Enfin, c'est une sale année pour moi, quoi. Et du coup, là, je subis un petit peu plus cette année. Donc au lieu d'adapter les houblons à ma recette, je vais devoir faire l'inverse. Je vais adapter la recette aux houblons que j'ai trouvé. C'est un peu une approche différente, mais je ne doute pas que ça va donner une bonne bière. Parce qu'il y a quand même des saveurs assez intéressantes. Bah, celui que mon père a récolté, des saveurs fruitées, un petit peu d'agrumes, ouais, il en a. Donc, j'ai bon espoir. Ok, bah c'est cool. Et un peu, qu'est-ce que tu voulais un peu... Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Et pour un peu finir, comment est-ce que tu voyais un peu l'avenir de la brasserie en France? Parce que moi je vois que en Alsace, hein, t'as à peu près une dizaine de vignerons dans chaque village, hein, qui produit. Et voilà, pourquoi ça pourrait pas être comme ça pour la bière? Bah oui, alors effectivement, moi je vois, alors peut-être pas 10 par village, mais l'avenir que je désire perso, ce serait à peu près une brasserie par village. Mais du coup, faut pas que ce soit des usines, faut que ce soit des vrais artisans, faut que ce soit des mecs un peu comme moi. Alors peut-être un peu plus que 100 litres, hein, tu vois, mais ouais, je rêve d'un marché de la bière dans lequel il y aurait de la coopération, de l'entente, tu vois, qu'on puisse tous vivre l'un à côté de l'autre. Il y a plein de brasseries différentes, plein de variétés, et que vraiment qu'on s'amuse et que les gens découvrent, que ça reste très local en plus. C'est plus, d'un point de vue environnemental, on va dire, c'est mieux si c'est produit et consommé localement. Moi je vais. Personnellement, je vais jamais chercher à exporter en dehors de l'Alsace. Éventuellement, bah, si le territoire de Belfort, parce que c'est vraiment à côté et puis que je connais des gens là-bas, mais je vais pas chercher à aller dans les Vosges, je vais pas chercher à aller en Allemagne, en Suisse, à Paris, enfin bref, je reste local, ça c'est mon truc. Et j'espère qu'il y aura pas mal de brasseries qui vont essayer de rester comme moi. Parce que à quoi bon cramer de l'essence pour aller vendre ailleurs alors que tu peux le vendre ici, quoi. Oui, de toute façon, tu restes, tu vas dire, tu vas rester dans des petites quantités, donc c'est vrai que ça sert à rien d'essayer de vouloir redistribuer partout alors que tu pourrais pas forcément déjà approvisionner tout le monde, quoi. Ouais, pour moi, c'est faisable. Après, c'est vrai que quand tu regardes une brasserie qui a 5, 6, 7, 8, 9, 10 employés, bah, eux déjà, ils se sont mis dans des conditions où ils ont déjà plus trop le choix, quoi. Ils sont presque obligés d'aller bouffer des parts de marché, entre guillemets, pour ne serait-ce que survivre, en fait. Donc c'est un peu... J'espère qu'il n'y aura pas trop de brasseries, des petits artisans que je connais aujourd'hui, tu vois. Je pense à la brasserie Lorinoise à Sainte-Croix-en-Plaine, je pense à la brasserie Sumpalor, Xungo, les 4 pays, enfin j'en sais rien, plein de gars comme ça. J'espère qu'ils vont pas essayer de trop croître. Alors, non pas que j'ai peur d'eux, tu vois, mais au contraire, je veux collaborer avec eux. Enfin, c'est pas ça le souci, mais c'est surtout que j'aimerais pas qu'ils s'imposent après de devenir des gros trucs commerciaux, tu vois. Pour l'instant, c'est des petits artisans sympas. C'est des équipes de une, deux ou trois personnes, tu vois. Peut-être quatre, allez, maxi. Mais là, ils sont au niveau où j'espère que toutes les brasseries vont arriver, tu vois, maximum, et se stabiliser. J'espère un marché durable et pas un marché trop concurrentiel où tout le monde essaie de se bouffer, en fait. Oui, parce qu'en plus, on va dire, même dans toutes les marques, enfin, dans toutes les marques, dans toutes les brasseries, on va dire, c'est valable un temps, quoi. C'est pas, voilà, comme Cronenbourg qui est là, qui est, je dis ça parce que Cronenbourg c'est quand même un des plus grosses brasseries en France et qu'ils produisent quasiment je sais pas beaucoup de bières différentes, même que l'abbaye la Van de Linus bah elle est à Strasbourg, quoi. Enfin elle est à Aubernais, quoi. Donc c'est aussi c'est aussi des grosses bières, enfin des gros producteurs qui finalement rachètent des brasseries plus petites pour faire pour acheter un peu juste la recette, quoi. Par exemple, je vois comme Fischer a été racheté par Heineken, mais on continue à faire de la Fischer sous la marque, enfin sous la, ça rien n'a changé, quoi. Ouais, bon après ça c'est nouveau un peu le problème du capitalisme, quoi. On concentre tous les biens, toutes les richesses dans les mains de quelques acteurs. J'espère qu'on va pas se faire racheter. Il y a eu une vague aux États-Unis de rachats comme ça. Il y avait le fameux groupe AB InBev, Anheuser-Busch International Beverage, qui a racheté un max de microbrasseries. C'est le plus gros groupe de brassicole mondial. Je sais plus combien de pourcents du marché brassicole mondial il possède en termes de volume, mais c'est juste colossal, quoi. C'est largement plus de 25%. C'est vraiment le... Ils sont énormes. C'est la bière mondiale, c'est eux. Et ouais, du coup, j'espère que ça n'arrivera pas en France. À ma connaissance, c'est pas encore arrivé. De toute façon, c'est quand même assez loin, parce qu'aux États-Unis, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de petites brasseries, et finalement, les plus grosses, elles se sont fait racheter, et les plus petites, elles ont perduré, ou tout simplement, bah, les personnes avaient peut-être aussi envie de faire autre chose, quoi. Ouais, nous aussi, hein, parce qu'un projet de vie, on a envie peut-être de faire de faire une brasserie à 20 ans, à 30 ans, et quand t'arrives à 40 ans, t'as peut-être aussi envie de faire autre chose. Ouais, c'est sûr, et puis tu commences à avoir le dos un peu cassé, toutes ces choses-là, mais après, moi je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que là, actuellement, la France, et enfin, les États-Unis avant nous, les États-Unis ont toujours de l'avance sur nous, sur ce genre de choses. Je sais pas, sur cette fameuse vague des micro-brasseries artisanales, ils ont quoi, 5, 6, 7, 8 ans, enfin, ils ont quelques années d'avance sur nous. Et du coup, ben, pour l'instant, tout ce qui s'est passé aux États-Unis, on le reproduit exactement chez nous. Et j'espère qu'on ne va pas reproduire cette même vague de rachats. Parce que finalement, actuellement, la France sort d'une période où il y a eu une concentration, une industrialisation. Toutes les brasseries ont racheté des petites, les brasseries ont fermé. Ben, la brasserie de Lutterbach, justement, je crois en 1962, elle a fermé. Là, maintenant, elle a réouvert, mais sous une autre forme. Elle est beaucoup, beaucoup plus petite. À une époque, c'était une usine. Enfin bref, il y a eu de moins en moins de brasseries en France. Elles sont devenues de plus en plus grosses. L'industrialisation. Et puis là, maintenant, on fait l'inverse. On fait de plus en plus de petites brasseries. J'espère qu'on va pouvoir garder un petit peu ce modèle de plein de petites brasseries. Et ne pas, encore une fois, revenir au modèle industriel. À un moment donné, il faut arrêter ces cycles. On concentre. Enfin bref, c'est un aller-retour sans fin. Et c'est peut-être aussi l'occasion d'offrir de la diversité aux consommateurs. Oui, bah, c'est sûr. Il faut. Et puis de la diversité. Et puis d'autres manières de produire et de consommer. Bah, pareil, tu parlais de la Cronenbourg avant. Produit en masse, consommé en masse, c'est peut-être pas forcément un modèle d'avenir. Moi j'espère qu'à un moment donné, on pourra boire... D'ailleurs, j'ai pensé encore juste hier soir, je me disais, tiens, quelle est selon moi une consommation raisonnable de bière, tu vois. Je me dis, tiens, en fait, 3 par semaine, ce serait bien. même d'un point de vue environnemental, parce que c'est un produit de luxe, la bière. Il y a eu un article récemment qui est sorti là, disant que la production d'orge se casse la gueule et qu'il y aura 15% moins de bière d'ici une dizaine d'années. Enfin, ça va décroître assez vite. En tout cas, ça risque avec le changement climatique, toutes ces choses-là. Et du coup, bah, c'est un produit de luxe. On n'a pas besoin pour vivre, on n'a pas besoin pour manger. Et du coup, qu'est-ce qui serait raisonnable de consommer, quoi? Parce qu'au Québec, ils sont aussi dans cette situation. C'est que oui, ils ont beaucoup de microbrasseries. Et ben là, ils disent, est-ce que ça va faire comme aux États-Unis ou pas, quoi. C'est aussi un peu le truc, quoi. Bon, mais sinon, ouais, c'est quand même plutôt sympa, là. On est bien, là. Alors, pour conclure, tout ce qui est... on peut te retrouver sur Internet, donc Brasserie du Vallon, ainsi que sur Twitter, @brasserievallon. Facebook aussi, donc de toute façon vous tapez Brasserie du Vallon, vous trouvez, c'est assez simple. Twitter, Facebook, Instagram, je suis pas encore sur donc ouais, Facebook, Twitter, Instagram, j'y suis. Je suis pas encore sur Ratebeer ni sur Untappd, les fameux réseaux sociaux de buveurs de bière. Pour l'instant, ça m'a pas intéressé. À l'avenir, peut-être, qui sait, si on me motive. Oui, mais après ça consomme aussi pas mal de temps, hein. C'est énergivore et ça prend du temps, donc de communiquer et de répondre un peu et de participer aussi, parce que sinon l'échange il est pas là non plus, quoi. Voilà, et quant à moi, vous pouvez principalement me retrouver sur Twitter, donc @knackenvrac, ou par mail knackenvrac.lepodcast@gmail.com. Et Quentin, je voulais te remercier tout simplement pour ta participation active à la réalisation de cet épisode. C'est moi qui te remercie pour cette agréable matinée, c'était sympa d'être venu, c'est cool. Voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cet épisode avec toi, et tu t'es pris au jeu alors que plusieurs brasseries qui ont été moins réceptives m'ont fermé leurs portes. Et lors de l'écriture du conducteur, j'ai même vraiment ressenti ta passion pour l'écriture et la bière, hein. Alors quelques minutes après avoir posté sur le conducteur, on avait fait un Google Doc, quoi, et je recevais déjà tes commentaires, et j'ai même pu te voir écrire en live. Alors ça, c'était vraiment une super expérience pour moi, que voilà, j'écris un truc et que tout de suite derrière ça prend, et c'est vraiment cool de vivre et de voir ça, quoi. Bah écoute, c'était un plaisir pour moi aussi. Alors du coup, t'as pu voir que je change beaucoup d'idées peut-être en cours d'écriture, mais ouais, j'aime bien quand j'écris, en tout cas, choisir vraiment le bon mot. Je trouve qu'on a matière à faire bien en français, et du coup j'aime choisir les bonnes formulations. Voilà, donc je te remercie beaucoup, et je remercie aussi pour l'inspiration évidemment à mes amis podcasteurs adeptes de la bulle, hein, Patrice et Stéphane du podcast Binous USA, sans oublier Azertoff, Loli et Tocheux du podcast Le Focol. Donc que vous pouvez aller voir, c'est du bon matos. Et bien sûr Bob le Chef, parce que Bob le Chef c'est le top, quoi. Et surtout en ce moment pour sa brasse contre le cancer. Et aussi les blogs, Le Sous-Boc, bien sûr, parce qu'il faut pas oublier, et Top Beer, qui sont à Strasbourg, dans la région de Strasbourg. Et voilà, si vous connaissez pas, allez jeter une oreille, allez jeter regarder un article. Et pour finir, le mot de la fin. Cher auditeur, si l'épisode t'a plu, fais-nous le savoir en tweetant Paquebot, en citant Brasserie du Vallon et Knack en Vrac, et ça nous fera super plaisir, quoi. Donc à la prochaine, et Sgilt, hein, comme on dit ici, hein, c'est pas Prosit, hein, c'est Sgilt. L'après-midi, à mon chat qui fleurit, sous le temps mon canari chante Aïda et Verdi. J'ai bien senti qu'hier, tout partait de travers. J'ai croisé un lézard bleu comme un léopard, bleu comme un léopard. Je me suis frotté les yeux, c'était pire que pas mieux. Il pleuvait des fourmis coiffées de bigoudis. J'ai couru chez Thérèse, elle m'a lité aux fraises. Le sorcier d'à côté va te vermifuger. Dans les idées, la tête dans les nuages, le mérite qui nous guette, c'est le rat des pâquerettes. Oh! Bienvenue sur BNews USA. BNews. Le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des Bayou Louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression Cajun de la semaine. Un podcast à consommer sans modération. Bon, alors qui l'ouvre ? Ben, je vais te laisser l'ouvrir peut-être, mais où est le tire-bouchon ? Tu vas chercher le tire-bouchon ? Ben, oui. Voilà, on a retrouvé le décapsuleur. Le tire-bouchon ! Alors on y va ? Oui. Bon. Alors donc c'est la Sierra Nevada Oktoberfest 2018. Quel beau bruit ! Elle vient de sortir. Elle vient de sortir en plus. Mm-hmm. On ouvre la deuxième. La deuxième, évidemment. Oh, quel bruit ! Ouais, j'aime le bruit. Oh, c'est toute l'Allemagne dans une bouteille. Voilà. Alors, pour vous donner quelques infos, elle fait 6 degrés. Oui. Elle est brassée donc en coopération avec la brasserie Wine and Stefan. Évidemment, ma brasserie, donc. Plus vieille brasserie du monde. Oui, absolument. Et donc, elle a une base maltée équilibrée par une touche houblonnée subtile, il paraît. Mm-hmm. Alors, on va voir ça. Et puis après, on expliquera un peu Oktoberfest. On fera la séquence Wikipédia, voilà. comme dit Walter Proof. Mm-hmm. Et puis voilà. Mais pour l'instant, on va la verser, Stéphane. Mais versez-la. Ah, on sent la Bavière, là. Ouh. Oula, oula, oula, oula, oula, oula. Oula, hop. Oula. Il y a de la mousse. Oh, quelle jolie robe. Moi, je vais la verser sans aversion. Ouh, effectivement. Oh, oui. Effectivement. Je contrôle la mousse. Mousse est pétillant en plus. C'est magnifique. Alors, j'aime beaucoup le nez. Ben moi aussi. Alors il paraît. Alors, je c'est des pain brioché, moi je dirais. C'est des maltes viennois, il paraît. Ah ben viens, ouais, ouais. Mais viennoiserie. Je t'ai dit un pain brioché. Ah bah tiens. Et voilà. Ah bah oui, il n'y a pas de... Hein. Et voilà, il n'y a pas de hasard. Oh, il n'y a pas de hasard. Alors, il paraît que c'est pain biscuit. Oui, bah oui, complètement. Et puis caramel, légèrement caramel. Mm-hmm. Mais avec quand même du houblon derrière qui fait un petit peu le tu vois... Ouais, puis un petit côté floral aussi, tu sais. Qu'est-ce que c'est, quel est ce petit côté floral ? Dis non, c'est beau. En tout cas, elle est belle. Ouais. Alors, quelle est la couleur ? La couleur, je dirais... C'est doré. Doré, presque cuivré même. C'est doré profond, quoi. Ouais, c'est, voilà, presque cuivré, quoi. Hein. C'est... Bon, elle est translucide. Oui. Elle n'est pas trouble. Toi, tu as une belle rétention de mousse. Oui. Je la perds un petit peu. Bon, c'est pas bien grave. Parce que tu l'as versé un petit peu à la chouchotte, tu trouves. Oui, bah évidemment. On y va ? Oui.